chico popa. De si tu bien abuela sen. Juste pour se réveiller, tu vois. Bonjour Mickaël. Bonjour Isabelle. Bon réveil, Aragnan. Bien oui, ça va très bien. Bon, c'est chouette ça. Oui, on est en forme là ce matin, ça y est. Ah oui. On est parti, c'est jeudi 8 septembre. Bienvenue à tous. Et il est 5h. Le journal de la rédaction est présenté par Stéphane et Nilorac. Bonjour Stéphane. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. À La Réunion, mise sur l'écotourisme. Bientôt au volcan, un éco-gîte d'une centaine de places et un éco-lodge haut de gamme. Et des produits à forte valeur ajoutée pour continuer à attirer plus de visiteurs étrangers. Rentrée sociale chargée, manifestation ce matin devant le rectorat contre la réforme des collèges, alors que se prépare une nouvelle mobilisation contre la loi travail le 15 septembre prochain. Un accord signé hier entre les villes du Tampon et de Saint-Pierre. Objectif principal, éviter les pénuries d'eau dans la commune des Hauts. De plus en plus de visiteurs étrangers à La Réunion. Ils représentaient l'an passé un quart de l'ensemble des touristes, alors qu'en 2010, ce ratio était moins important, 18% seulement. C'est le constat fait par le 7e comité d'orientation stratégique du tourisme. Il s'était réuni mardi au département. Le COST qui salue en particulier les efforts réalisés par les structures de l'île en direction des touristes indiens et chinois. Autre objectif de ce comité, le développement de produits à forte valeur ajoutée. Plusieurs pistes, Johanna Damadorassi, pour développer notamment l'écotourisme au volcan. Deux projets sont en cours d'étude au volcan. D'abord, un éco-gîte d'une capacité de 100 places, une structure qui, au niveau énergétique, devra être autonome et s'intégrer au milieu naturel. Elle viendra compléter l'offre existante sur le secteur. Cofinancé par l'Union européenne, l'État, la région, le département, le projet a été acté mardi et les travaux vont démarrer fin 2018 pour une livraison en 2019. En complément de cet éco-gîte, un écolodge est également en discussion. Un établissement haut de gamme destiné à devenir, je cite, un produit d'image emblématique et exemplaire de La Réunion selon le COST. Et pour cause, il proposera une expérience axée sur une découverte dite interprétative du volcan. Deux sites ont déjà été identifiés. Après concertation avec les différents acteurs concernés, un appel à projet sera lancé dans le secteur privé. Les candidats devront bénéficier d'une solide expérience internationale au sein d'espaces naturels protégés et en sites isolés. Un projet qui sera vraisemblablement analysé dans ses moindres détails par le parc national dans le but de préserver au maximum cet écosystème de notre île. Joanne Adama-Dorassi, la lutte contre l'échec scolaire et l'illettrisme, c'est une priorité pour la ville de Saint-Denis. 1500 marmailles d'écoles élémentaires en zone d'éducation prioritaire vont bénéficier à partir de lundi d'un soutien scolaire dispensé par 150 jeunes en service civique, portrait de l'un d'entre eux à 6h. Dans les collèges, en revanche, la réforme tout juste entrée en vigueur ne passe pas pour plusieurs syndicats. L'intersyndicale organise une manifestation à 10h ce matin devant le rectorat. Elle parle d'une réforme précipitée sans financement et dénonce en particulier la perte sèche d'heures d'enseignement classique au profit des EPI, les enseignements pratiques interdisciplinaires. Une rencontre est programmée avec le recteur. Plus de précisions dans votre prochain journal dans moins d'une demi-heure. On ne lâche rien, c'est le mot d'ordre également des syndicats CGT, FO, FSU, UNEF et Solidaires. Pour la 13e fois, ils appellent à manifester contre la loi travail. Dans le sillage des mobilisations nationales le 15 septembre prochain, deux rassemblements sont prévus à Saint-Denis et Saint-Pierre. Les syndicats demandent d'une seule voix l'abrogation pure et simple de la loi travail et des syndicats plus que jamais déterminés. Daniel Nombreville. Une loi peut être adoptée mais ne pas être appliquée, alors les syndicats ne renoncent pas. Il n'est pas possible d'accepter cette loi du moins-disant social. Dans la liste noire d'Éric Marguerite de Force Ouvrière. On va donner plus de liberté pour licencier les salariés des entreprises. On va pouvoir négocier à la baisse le salaire, le temps de travail. Il n'y aura même plus de convention collective. Et pour Marie-Hélène Dor de la FSU, cette dérégulation des droits du salarié va accentuer le déséquilibre social en Outre-mer. Le fait de renvoyer systématiquement les droits des salariés à la négociation locale, c'est-à-dire en fait au rapport de force, ne pourra jamais favoriser les salariés. Pascal Vaillamain de Solidaires, lui, insiste, la loi travail va bouleverser non seulement la vie des salariés du privé, mais aussi celle des fonctionnaires. Il y a un autre recul qui est annoncé sur la médecine du travail. Le suivi médical sera beaucoup moins important. La loi travail, c'est une loi globale qui est mauvaise pour tout le monde. L'UNEF, elle, qualifie la loi de catastrophique. Elle hypothèque notre avenir, assure Noé Riault, le président du syndicat étudiant, d'où la nécessité de poursuivre le combat. On pense que c'est important que, vu la faiblesse de ce gouvernement d'avoir fait passer une loi pendant les vacances avec un énième 49-3 va montrer qu'en fait ça va pas se passer comme ça et que la mobilisation elle continue. Alors les syndicats appellent les salariés à une nouvelle journée de contestation dans la rue, contestation qui se poursuit aussi sur le plan juridique et constitutionnel. Yvan Voirot de la CGTR. Il y a plus d'une centaine de décrets qui devraient sortir. Les organisations syndicales organisent une veille juridique pour essayer de bloquer ces décrets. Les syndicats n'en démordent pas, la loi travail, ils n'en veulent pas. Daniel Nombreville, retour sur cette grève avec Yvan Roirot à partir de 7h15. Le secrétaire général de la CGTR est l'invité de la matinale. Il reviendra également au micro de Philippe Dornier sur l'égalité réelle. Ce sera le thème de votre émission. C'est dans l'actu après le journal de midi. Les coupures d'eau, un mauvais souvenir pour les tamponnés, c'est ce que promet la commune qui a signé hier un protocole avec Saint-Pierre, un accord dans lequel la ville côtière s'engage à fournir de l'eau à sa voisine en cas de pénurie. Dans cet accord, les deux communes vont aussi se partager les investissements nécessaires au refoulement de l'eau de Saint-Pierre vers le tampon. Il s'agit de bornes électromagnétiques d'approvisionnement en eau potable pour les camions sur la route des Flamboyants, de l'installation d'une plateforme de refoulement du réservoir de Trois-Mars vers le réservoir Épidor-Ouarau et de la création d'une interconnexion entre le réseau de distribution du tampon et le réservoir de Montvert-les-Eaux. Une gestion intelligente et solidaire entre communes voisines et qui mettra ainsi une population de près de 17 000 habitants à l'abri des coupures. Et c'est ce que dit le sénateur maire de Saint-Pierre, Michel Fontaine. Nous avons aujourd'hui la possibilité immédiate d'avoir des bornes permettant d'alimenter des camions au niveau de chemin Stéphane, voire un peu plus haut au niveau de la ligne des 400. Nous avons la possibilité, à travers notre réservoir de la ZAC 3-Mars, de refouler vers un réservoir au niveau de la commune du Tampon. Et nous avons la possibilité aussi, à moyen terme, en renvoyant de l'eau au niveau de Montvert-les-Eaux, de Levain-Vidotte, de refouler aussi vers Bérive. Ce sont des possibilités, et bien entendu, nous avons signé, nous allons le faire. Certains sont réalisables immédiatement, permettant aux citoyens du Sud de ne pas manquer d'eau. Le sénateur maire de Saint-Pierre, Michel Fontaine, répondait à Pierre Comoras-Amy. Salué par la critique parisienne, sélectionné pour plusieurs prix littéraires, Anguille Souroche, c'est le nom du premier roman d'un jeune Comorien de 29 ans, Ali Zamir. Il y raconte le destin d'Anguille, une des filles d'un pêcheur originaire de Moutsamoudou dans l'archipel des Comores, une jeune anjouanaise de 17 ans, lycéenne, sérieuse et serviable. Un roman de 320 pages, écrit d'un seul souffle, avec un rythme et un style particulier. Une histoire pensée depuis longtemps. Ali Zamir l'a dit à Jean-Paul Mélade au cours de son escale réunionnaise dimanche. Je l'ai commencé en 2009 jusqu'en 2010. Juste au moment où justement j'avais fini ma cinquième année. J'étais étudiant au Caire. Donc j'ai commencé à chercher un éditeur depuis le Caire. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cette trame-là, cette histoire-là? Je ne sais pas exactement, mais je pense que c'était la nostalgie, la mer, la culture, parce qu'au Caire, il n'y avait pas le bruit de la mer que j'entendais tout le temps chez nous. la vie, la manière de vivre des Comoriens, tout cela me manquait. Et l'écrivain Ali Zamir au micro de Jean-Paul Mélade. Retrouvez l'intégralité de cette interview exclusive ce soir dans Culture Première à 18h15. L'actualité en France et dans le monde, Anne-Charlotte Costabadi de France Info. Une semaine pile après la rentrée, une grève dans les collèges. Plusieurs syndicats, dont le principal dans le secondaire, le SNES, appellent à la mobilisation contre la réforme du collège et les conditions de la rentrée scolaire. Un cortège partira aujourd'hui à 14h à Paris de la place de la Sorbonne. Les syndicats CGT, FSU, FO ou encore Solidaires à Nantes hier soir pour la rentrée sociale avec un millier de militants. Ils appellent à reprendre la mobilisation contre la loi travail. Une journée d'action est prévue le 15 septembre, donc dans une semaine. La CFDT demande quant à elle l'application de la loi travail le plus rapidement possible. La journée d'action devant les hypermarchés Carrefour partout en France hier a finalement payé. Un accord a été trouvé entre les éleveurs bovins et le groupe agroalimentaire qui s'engage à mieux rémunérer les éleveurs et mettre plus en valeur leur viande dans les rayons. La mobilisation n'est peut-être pas terminée. Le président de la Fédération nationale bovine demande aux autres distributeurs de se mettre à niveau dans les prochains jours, sinon d'autres actions à attendre la semaine prochaine. Une annonce qui passe mal pour les 500 salariés d'Alstom Transport à Belfort. Les activités de production de trains et d'ingénierie transférées d'ici 2 ans en Alsace à Reichshoffen. Pas assez de commandes. Seule donc la maintenance reste à Belfort. Environ 400 employés vont devoir être replacés dans différentes usines. Pas de départ forcé, assure la direction. Et 466 postes supprimés en France par le groupe bancaire HSBC, également d'ici 2 ans. Le plan de départ volontaire était présenté hier aux représentants du personnel. HSBC emploie en tout 9500 personnes en France. Un couple toujours en garde à vue dans la soirée entendue par les enquêteurs antiterroristes. Ce week-end, une voiture remplie de bonbonnes de gaz avait été découverte près de la cathédrale Notre-Dame à Paris. Cet homme et cette femme étaient connus pour leur lien avec la mouvance radicale islamiste. Ils ont été interpellés avant-hier dans le Vaucluse sur une aire d'autoroute. Salah Abdeslam attendu par les juges ce jeudi matin dans le cadre de l'enquête sur les attentats du 13 novembre à Paris. Il avait refusé de se rendre à un interrogatoire du juge antiterroriste le 7 juillet dernier. Bernard Cazeneuve félicitait dans la soirée la mobilisation des 700 sapeurs-pompiers qui ont réussi à contenir plusieurs incendies. C'était dans les départements de l'Hérault, de l'Aude, des Landes, de la Dordogne et de la Vienne. Selon le communiqué du ministre de l'Intérieur, pas de victimes. C'est la fin, ça y est, de la cérémonie d'ouverture des 15e Jeux paralympiques à Rio. Fin de cérémonie sous la pluie, le stade brésilien Maracana, où la flamme olympique a donc été installée. 4300 sportifs seront en compétition pendant 11 jours, dont 126 Français. Ils sont présents dans 17 disciplines sur 22 et tenteront de faire mieux qu'à Londres il y a 4 ans avec 8 médailles d'or, 19 d'argent et 18 de bronze. Il est 5h11 sur la première. Bonjour à tous. Il est l'heure de se réveiller et de regarder un petit peu. Eh bien, quoi l'a fait le temps pour aujourd'hui ? Eh bien, le temps, il est plus doux, Gaël. Eh oui. C'est déjà pas mal. Oui, c'est vrai que vous réveillez avec beaucoup plus de douceur, vous remarquez ce matin, avec aussi bien sur le littoral que sur les hauts, des températures en hausse. Et ça fait du bien. Ouais. Après les fraîcheurs de ces derniers jours, surtout, il y a moins de vent. Alors, du coup, moins de sensation de fraîcheur. Et puis, le soleil va s'imposer dès les premières heures de la journée. Donc, ça, c'est une autre bonne nouvelle. Soleil qui va avoir du mal à disparaître, même si les nuages vont se former sur le relief, notamment sur les reliefs des hauts du nord-ouest et débordés par moments sur la route du littoral et la possession avec quelques petites averses, mais qui devraient rester marginales. Du vent à 40-50 km/h, donc beaucoup moins que ce qu'on a eu notamment la semaine dernière sur les côtes nord-est, entre Saint-Denis et Sainte-Suzanne, et de l'autre côté sur le sud sauvage et même vers Sainte-Rose. Une mer qui sera agitée, à peu agitée sur les plages de l'ouest, avec toujours une houle sur les côtes est, mais là elle s'amortit aussi. Température en hausse, ça veut dire qu'on pourrait atteindre 27-28 degrés oula. Sur le littoral. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu ces températures, notamment dans l'ouest. Grand matin avec Isabelle Waro et Mickaël Laurette. Eh, que de bonnes nouvelles pour démarrer ce jeudi, 5h13, quoi dans toute la Réunion. L'été pointerait-il le bout encore, de son pas nez encore, pas encore. Mais presque, il ressemble un petit bout, non? Bon, pour l'instant. C'est là demain, tout tiers descendre. Oui, c'est ça. C'est un petit signe. Oui, un maigre petit signe. On va pas s'exciter tout de suite. Non, on va se calmer. Il n'est loin d'être certain, ce petit signe. Donc on va faire attention quand même à ce qu'on dit. Mais bon, profitons d'aujourd'hui. Profitons aussi de vendredi car ces deux journées devraient être de belles journées. Ah bah ça, c'est et tiens, chouette. Dites-nous comment vous réveillez ce matin, vous, du côté de chez vous. 06 92 70 2000, mm-hmm. C'est le numéro SMS, nous, le tout nouveau numéro qu'on utilise depuis la rentrée. Exactement, par contre, pour jouer avec nous, gagner des cadeaux jusqu'à 8h, quoique... là aussi c'est possible, et eh bien ça ouais. se passe au 02 62 99 2000. Parce que nous on fait mieux que solder, on les donne gratuitement les yes. cadeaux. Ah, oui. S'il y a une contrepartie quand même, oui. c'est un petit ah bah coup de fil. C'est juste de jouer. C'est tout. C'est juste de jouer. Vous voilà. avez fait les soldes, Prisca, qui nous attend là au marché. Bonjour Prisca. Bonjour Prisca. Bonjour, bonjour les amis. Et on va voir si c'est les soldes sur le marché ah, bah oui. De la source. Là c'est d'accord, déjà pas trop cher d'habitude. Va... hein. C'est vrai. Bah, c'est vrai. Un euro, deux euros. En ce moment, non, mais en ce moment, vous pouvez même avoir le kilo de tomate à 80 centimes. Ah oui, carrément moi, là. Vu, ouais, hier, c'était 80 centimes sur le marché forain du port. Ouais. Et concernant le temps, effectivement, c'est l'été qui arrive parce que hier, vers 8h, on a tombé la veste au port. Hein. Il faisait oui. très très chaud. Ouais, mais attention, port, attention, Prisca, attention. On va pas Affole s'enflammer. Pas sur le canard. Hein. On va pas s'enflammer quand même. Bon, on va pas se mettre bon. En maillot de bain non plus. Hein. Bah c'est non, ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Pas encore 35 degrés, quoi. Bon, Prisca qui rencontrera encore des gens, des réunionnais sur le marché ce matin. Ah oui, comment l'ambiance, l'odeur, voilà. les couleurs. Comment du la marché. Réunion vit le matin, c'est avec Prisca à 5h45. Oui. À tout à l'heure, salut, Prisca. Prisca. À toutes. Allez. 10h midi, les experts avec Claude Montagné. Le souci, c'est que je cherche un mode de garde qui me conviendrait. Préférable assistant maternel à domicile. Vous pouvez passer ma machine sur l'auto pour connaître ce qu'est le problème. Est-ce qu'il a le droit à un petit enquête ? Qu'elle prenne contact avec la CAF. Vraiment, les émissions que vous faites aident beaucoup de personnes. Les experts avec Claude Montagné, du lundi au vendredi de 10h à midi sur Réunion Première. Première. Vous êtes lion, taureau, verseau. Bélier, Verseau, Capricorne. En tout cas, si vous suivez l'horoscope, ça tombe bien. Mmh. Nous, on vous en a préparé. Enfin, non, c'est pas nous, en fait. C'est Juliette. Bonjour, Juliette. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous sommes le 8 septembre. Nous sommes jeudi. Ah bah oui, il va falloir attendre un petit peu encore. Pour ceux qui ont hâte d'être en week-end, fêtons la nativité en cette journée. Je vous souhaite une belle journée, justement. Voici l'horoscope de la première tout de suite. Bélier, aujourd'hui vous incarnerez le bonheur absolu. Taureau, des échanges de regards, les célibataires, ça vogue fort pour vous. Gémeaux, n'hésitez pas à vous livrer, à dire directement ce que vous ressentez et ce que vous pensez aussi. Cancer, vous n'aurez pas de mauvaises surprises, bien au contraire en cette journée. Lion, ne vous étonnez pas si vous avez du mal à imposer vos idées, cela va venir. Vierge, vous peinez à comprendre, résultat vous baissez les bras et vous ne cherchez même plus à essayer. Balance, de larges sourires, des éclats de rire en prévision, vous êtes en joie. Scorpion, vous coulez des jours heureux et ensoleillés, on peut dire en ce moment que tout vous sourit. Sagittaire, les disputes qui deviennent quotidiennes sonnent souvent la fin d'une histoire et vous commencez à y songer. Capricorne, vous êtes cerné. Verseau, vous parlez de tout et surtout des sujets épineux sans que cela ne dégénère. Poisson enfin, essayez de profiter de l'instant présent surtout, sans penser au reste. Videz-vous la tête. Excellente journée à tous. Merci Juliette. Oui, à demain Juliette, hein, pour le dernier jour, en tout cas avant le week-end. Mm-hmm. On va filer du côté des Sables d'Olonne. Et aujourd'hui, oui. parce que c'était le tiercé quarté quarté plus d'hier. D'hier, exactement. Et pour gagner hier, il fallait jouer le 2, le 17, le 12, le 13 et le 8. 2, 17, 12, 13, 8, numéro plus gagnant 03, 03. Si ça n'a pas marché hier... Ça marchera peut-être aujourd'hui. Ce coup-ci sur l'hippodrome de Chantilly, ce sera le prix de l'Île-de-France. Il y aura 17 partants, 1900 mètres à parcourir et 4 850 000 euros dans la tirelire. Voici les pronostics de Pascal Maillot qui vous conseille le 2, le 16, l'As, le 14, le 8, le 13, le 12 et le 6. 2, 16, As, 14, 8, 13, 12, 6... En cas de non partant, le 18 ultimate du RIB concernant les pronostics du fouineur du GIR partenaire Réunion Première. Il vous conseille de jouer le 16, l'As, le 2, le 14, le 13, le 6, le 4 et le 7. 16, As, 2, 14, 13, 6, 4, 7. Bonne chance et n'oubliez pas pour que le jeu reste un plaisir. Jouons responsable. Et la suite avec notamment Famille Mélodie, notre dé ensemble oh oui. sur Première. Ah oh oui, nous sommes là, c'est ensemble. Nous, tout ensemble. Jusqu'à 8h. Bienvenue dans Grand Matin, bon réveil. Première. Moi, nous dé tout le temps, sans bien gaz d'étroit. Dans toute cette nous la fait la point rien pour jeter. Si t'es faux, on commence à zéro, moi t'es fait des fois. La confiance ou n'est la point rien pour caler. Moi douter tout le temps, sans m'y agacer trois. Dans toute cette nous la fait la point rien pour jeter. Si t'es faux, on commence à zéro, moi t'es fait des fois. La confiance ou n'est la point rien pour caler. Quand bi pense tout le temps tout de monde et dit nous des ou nous la croise trop bonheur. Pas pour ça nous l'arrête voir à nous au contraire nous des ou nous la bien profiter. Après ça nous la fiancée, après même nous la mariée. Nous de la monter plus fort, même si n'a mauvaise a été pour guetter. La jalousie n'en a pas tout, mais tout ça y atteint pas nous. Quoi rien pour jeter. Si t'es faux, on commence à zéro, moi t'es fait des fois. La confiance on est nalle, la point rien pour caler. On nous dit tout le temps, sans bien gazer toi. Dans toute cette nous la fait la point rien pour jeter. Si t'es faux, on commence à zéro, moi t'es fait des fois. La confiance on est nalle, la point rien pour caler. Dans la point un jour. Bâton dans le roule à poumailler. Si t'es pas l'amour, nous t'es fin fait plaisir en bande tête commée. Toi tu gardes à nous traverser, toi tu gardes à nous embrasser. Zot larme y coule, moi les cires, zot y trouve à nous trop amoureux. La jalousie n'en a pas tout, mais tout ça y atteint pas nous. On nous t'es tout le temps, sans bien gazer toi. Dans tout cette nous la fait la point rien pour jeter. Ensemble, nous trois ensemble, nous quatre ensemble, nous 852 ensemble sur la communauté de Grand Matin. Et depuis le 15 août, on commence déjà à être un peu nombreux. Hein. Bah petite oui. Communauté, mais costaud. Attention. Petite deviendra grande. On va évoluer, petit mais costaud. Grand Matin, la page Facebook. Allez-y, allez liker cette page. GRAN apostrophe. Matin, M-A-T-I-N. Ah putain, tant qu'à faire, en profiter pour poster son petit déjeuner. C'est l'heure de prendre le petit déjeuner, là. Parce qu'à la clé, à la fin de semaine, donc demain. Demain. Croisière sur oui. un bateau, peut-être pour, ceux et celles qui auront posté une photo de petit déjeuner, on fera un petit tirage au sort. Exactement. Et on appellera chez vous demain 8h. C'est promis. Oui, ça sera pour vous, voilà. Vous inquiétez pas. Il suffit de nous dire ce que vous prenez comme petit déjeuner. Il peut y avoir de la papaye, des céréales. Voilà quoi. Quand il s'agit de manger, on fait ce qu'on veut. Bien hein. sûr, ça, c'est bien chouette. Sûr. Hein. Bah justement, on a pensé déjà au week-end, on a regardé un peu s'il n'y avait pas. Quelque chose qui était lié à la bouffe, justement. Vous avez trouvé ? Bah oui, la deuxième édition du Food Festival à Saint-Paul. Ça aura lieu sur le front de mer de Saint-Paul, en l'espace de quelques heures, 19h à 23h. Toutes les saveurs de la Réunion vont se mêler aux délices internationaux. Alors ça a bien marché l'an dernier, et encore cette année, on remet ça pour vos estomacs, donc vous les préparez bien pour samedi, parce que votre petite bouche aussi, ça va bien manger, et ça va surtout... manger de très très bons plats. Ouais. Alors il n'y a pas de très très bons plats des fois. Et puis il y en a certains qui ne savent pas manger ou alors qui mangent complètement différemment, qui mangent bizarrement les uns. On a regardé les... Disons que si tu veux, parfois, c'est en mangeant, tu peux devenir célèbre. Comment ? Grâce à YouTube. Ah bah oui, YouTube, forcément. Enfin, célèbre ou être la risée du web, c'est dépend. Ça, il y a deux jeunes demoiselles, Lizzie qui a 18 ans, Sabrina qui a 22 ans. Elles ont décidé d'être célèbres. Et pour ça, quand on ne sait pas chanter, quand on ne sait pas danser, quand on n'a rien quand inventé, on sait rien faire, on bouffe du piment devant une caméra, d'accord. Mais sauf que là, piment. Elles n'ont pas mangé n'importe quoi. C'est ça. elles ont mangé la faucheuse de la Caroline. C'est bizarre, un piment qui est cultivé aux États-Unis, 7 fois plus redoutable que le piment rouge du Chili. Alors en fait, ça serait au même niveau que la sensation de brûlure provoquée par une bombe lacrymogène, d'après le Guinness Book. Je m'en suis jamais pris d'accord. de bombe lacrymo. Moi non plus, mais apparemment ça pique. Hein. Bon, donc ça, c'est censé laisser des traces quand même dans l'estomac. Et ça, c'est dans la bouche. Et dans la bouche. Wow. Alors les deux demoiselles sur une vidéo qui, attention, il faut le signaler, fait fureur sur Internet, près de 4 millions de vues en quelques jours seulement. Les deux jeunes demoiselles, avec leur joli soutien-gorge qui mettent en avant leur poitrine. Bien sûr, forcément. Il faut être célèbre, on fait ce qu'on peut. Ouais. Eh bien, elles mangent ce piment. Voilà, pour le fun. Alors là, faire, c'est la catastrophe. Elles le font. C'est la catastrophe. Il y en a une qui finit au bord de l'évanouissement. Aïe, aïe, aïe. Ça crie, ça hurle. On appelle le tube de Ventoline à la rescousse. On mange du pain de mie. Donc, tout ça en vidéo. Hein. Voilà, tout ça en vidéo, sous les rires, évidemment, Internet, hein. Des copains qui sont autour et qui postent tout ça. À un moment donné, quand même, pour l'une d'entre elles, on s'inquiète. Hein. On s'inquiète parce qu'elle se sent vraiment, vraiment mal. Finit toute rouge, la pauvre. Bref, faut être célèbre, on sait plus quoi faire. Elles ont certainement imité ce jeune homme qui, en 2014... Mais sont devenues quoi, ces filles? Pas de problème, hein. Alors, justement, le problème, c'est pour ça qu'il faut pas faire ce genre de choses, ouais. C'est que ce piment peut laisser des traces. Pour l'instant, on ne sait pas comment elles vont. Okay. Parce que même si elles ont l'air d'aller bien et qu'on rigole, etc., c'est très dangereux de faire ce genre de choses. Il peut y avoir des séquelles dans l'estomac. Le piment s'appelle la faucheuse, donc elle pouvait s'attendre à avoir des problèmes. Hein, bon, bref, bon. Voilà. Alors, il y avait un jeune homme en 2014. Oui, alors lui, il a créé littéralement le buzz, il a bouffé un cactus. Oui, bah pourquoi pas. Mais oui, voilà. Alors évidemment, lorsqu'il a annoncé qu'il allait faire ça, 300 000 personnes se sont connectées, juste quand il l'a annoncé. Et au plus fort du visionnage de la vidéo, ils étaient plusieurs millions à regarder ce jeune homme bouffer du cactus. Oh bah oui. Et bon, il en a mangé un, il a hurlé. Là aussi, pas de problème d'estomac. Voilà, sauf que lui, il a bien précisé qu'il le faisait en présence de toute une équipe médicale qui était sur place et à ne pas refaire, évidemment, à la maison. Est-ce qu'ils ont gagné de l'argent pour ça? Bah oui, des visionnages YouTube, ça vous rapporte de l'argent, forcément. Du fric. Ouais, enfin bon, il faut vouloir, il faut pousser comme le bouchon pour aller manger jusqu'à un cactus pour se faire une célébrité. Bah, bon, qu'est-ce que tu veux. C'est compliqué quand même, les amis. Bon, en même temps, on peut être célèbre aussi d'avance. Genre les stars, voilà, les stars, elles sont célèbres. Ah, mais elles ont de la chance, elles mangent qu'elles veulent, quand elles veulent. Sauf qu'elles aussi, elles ont des habitudes étranges. Alimentaire. Elle pourrait manger bien, elle pourrait manger équilibré et tout, mais elle mange pas n'importe quoi parfois. Nicolas Cage, par exemple, ne mange pas de porc. Alors écoutez bien pourquoi. Oui. Écoutez bien pourquoi, parce qu'ils ne pensent pas que les cochons ont des relations sexuelles dignes de ce nom. Voilà. D'accord. Ils ont des raisons quand même assez spéciales. Hein. le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, ne mangeait que des animaux qu'il avait tués lui-même. Voilà, c'est important. Et quand ça, il a le temps. C'est ça, on se pose la question avec tout ce qu'il y a sur Facebook. Il doit bouffer de la salade. Tout ce qu'il y a à faire, notamment avec son entreprise, c'est compliqué. Mais bon, Renée Zellweger, elle, dès qu'elle a un Bridget creux, Jones. Voilà, Bridget Jones, effectivement, elle suce des glaçons. Bon, alors, je sais pas si c'est très équilibré ou si ça peut être une alimentation saine, mais elle suce des glaçons. Voilà, d'accord. Vous imaginez bien que c'est que de l'eau, hein, donc ça va être compliqué quand même pour prendre du poids. Steve Jobs mangeait la même chose pendant plusieurs semaines d'affilée. À un moment, il aurait mangé tellement de carottes que sa peau était devenue orange. Oh là, Steve Jobs, d'accord. iPhone qui d'ailleurs a été présenté hier par Apple. Mmh. Henry Ford mangeait du gazon. De son jardin. Mais oui, Henry bien Ford, sûr. C'est celui qui a fait le pionnier de l'automobile. D'accord. Manger le gazon de son jardin. Ah oui. Bah, écoute. Soyons fous. Bah écoute. Puis alors, petite dernière lubie des stars. Parmi les autres adeptes de ce rituel de vinaigre de cidre, une cuillerée de vinaigre de cidre que l'on mange comme ça tous les matins. Fergie. Megan Fox, Black Eyed Peas, qui sont revenus aussi dernièrement, Megan Fox et Cindy Crawford. Voilà, qui mangent tous une cuillerée de vinaigre. Et c'est censé faire quoi? Ben, je sais pas. Moi, je vais m'y mettre. C'est bon pour le ventre, apparemment, d'après ce qu'elles disent. Ah ben, on devrait s'y mettre, dis donc. Moi, je pense. Hein. Une cuillerée de cidre, bon, sinon ça, voilà. Vous voyez, ça, c'est les lubies, c'est bizarre, c'est complètement dingue. Bref, j'ai bien mon petit rougail saucisse. En fait. Bon, allez, en The fait. Fray, you found me. On the corner of First and Amistad, where the West was all but one, all alone, smoking his last cigarette. I said, where you been? He said, ask anything. Where were you when everything was falling apart? Telephone never rang. All I needed was a Found me the phrase sur la première. C'est magnifique, c'est doux. Mmh. Ouais. Ah oui, mais apparemment dans l'île aujourd'hui, c'est pas doux partout. Eh ben ça a même bougé un peu. C'est ce que on va peut-être reconnaître un peu avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Nathalie, qu'au sale arrivé à 4h30 ce matin. Ah ben la terre a tremblé. La terre a tremblé à Salazie, hein, Elbourg. Oui. Vous nous dites. Vous l'avez ressenti vers 4h30. Comment ça vous a réveillé? On était déjà réveillés car notre réveil venait de sonner. Mais ça a duré combien de temps, Nathalie? Oh, quelques secondes. Quelques secondes? Alors, votre lit a bougé? Non. Qu'est-ce qui a bougé chez vous, en fait? On a entendu. Vous avez entendu que la Terre avait tremblé. Donc, à Elbourg, à Salazie, voilà. On va se renseigner pour en savoir un peu plus et on développera cette actualité dans les prochaines éditions. Merci Nathalie. Merci Nathalie. De rien, bonne journée. Allez, bisous. Bye bye. 5h30 sur la première. C'est l'heure du journal avec Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour Isabelle, bonjour Mickaël, bonjour à tous. C'est la rentrée sociale, appel à la grève aujourd'hui contre la réforme du collège. Emploi du temps à trous pour les élèves aujourd'hui à prévoir. Plusieurs syndicats appellent à cesser le travail. Mobilisation contre la loi travail également. L'appel à la grève est lancé pour jeudi prochain. Nous entendrons la détermination du syndicat FO. Même si la loi est passée à 7h15, Yvan Ouarot de la CGTR sera l'invité de la matinale sur Réunion Première. Plus de pénurie d'eau aux tampons. La ville de Saint-Pierre vient de s'engager à basculer de l'eau potable à ses voisins. Explication dans ce journal. Et puis découverte de l'album Hors Sol du groupe Graines Semées. À la fin de ce journal, restez avec nous. Appel à la grève donc aujourd'hui dans l'éducation nationale, une large intersyndicale, SNES, FSU, FO, CGT et Sud appellent à cesser le travail dans les collèges aujourd'hui. Un mouvement contre la réforme appliquée depuis la rentrée d'août, mais dont les syndicats demandent toujours l'abrogation, Daniel Dambreville. La plus grosse critique des syndicats d'enseignants, la perte sèche d'heures de discipline classique au profit des EPI, les fameux enseignements pratiques interdisciplinaires. Ils ne doivent pas remplacer mais venir en supplément, précise le représentant du SNES. Dans le collimateur des syndicats, il y a aussi la marge d'autonomie trop importante laissée aux établissements. Chaque collège choisit ses EPI. Il fixe aussi la répartition des programmes sur 3 ans. Pour les syndicats, cela crée une disparité des enseignements d'un établissement à l'autre et renforce les inégalités sociales entre les enfants. Enfin, les syndicats dénoncent une réforme précipitée, sans financement. C'est la première fois que tous les programmes, de la 6e à la 3e, changent en même temps. Conséquence, des manuels en nombre insuffisant et surtout bourrés d'erreurs et de fautes. Alors aujourd'hui, l'intersyndicale espère évidemment une forte mobilisation contre la réforme. Et aux nombreux enseignants qui font remarquer que le texte est passé, qu'ils sont obligés de l'appliquer, les syndicats proposent une résistance pédagogique. Le SNES a même édité un livret pour contourner la réforme des collèges et ne pas l'appliquer. Daniel d'Ambreville. Une manifestation est prévue à 10h devant le rectorat ce matin. Et le SNALC, lui, n'appelle pas à la grève aujourd'hui. Le syndicat a quitté l'intersyndicale, mais il propose lui aussi un mode d'emploi pour ne pas appliquer la réforme. Autre texte adopté, mais qui mobilise toujours les syndicats, la loi travail, les syndicats CGT, FO, FSU, Solidaire et UNEF seront à nouveau dans la rue contre la loi El Khomri le 15 septembre, dans une semaine pile. Ils demandent d'une seule voix l'abrogation du texte. Pour la 13e fois, en écho à la mobilisation nationale, les syndicats locaux appellent et relaient cet appel à manifester. Deux rassemblements sont prévus à Saint-Denis et à Saint-Pierre. Pour Éric Marguerite, secrétaire général de Force ouvrière, pas question de baisser les bras. On ne lâche rien parce qu'il n'est pas possible d'accepter cette loi du moins-disant social, cette loi de dumping social. On ne peut pas laisser à l'arbitraire patronal tout ce pouvoir qui va découler de cette voie. Donc nous, on ne lâche rien au niveau de l'intersyndicale, au niveau de Force ouvrière, et on fera certainement des recours juridiques sur chaque disposition de cette loi. Et puis, on le dit aussi, la contestation, c'est aussi dans la rue. C'est une loi qui a été rejetée, c'est une mauvaise loi. Ben, une loi qui a été adoptée, peut-être abrogée. C'est aujourd'hui, c'est ce qu'on réclame, l'abrogation de cette loi. Éric Marguerite, représentant de FO, interrogé par Daniel d'Ambreville. Vous l'avez entendu, les syndicats dont FO comptent attaquer le texte au niveau juridique et constitutionnel. 5h34 sur la première. La suite du journal, Cécile Thomas. On vous parlait hier d'un accident impliquant un piéton sur la 4 voies à Saint-André. La victime n'a pas survécu à ses blessures. Elle est décédée à l'hôpital. Cette femme de 48 ans avait tenté de traverser la voie rapide de nuit. Elle a été percutée par une voiture. 30 personnes sont mortes sur nos routes depuis le début de l'année. Les problèmes d'eau dans le sud, la sécheresse, les ruptures de canalisation, l'eau trouble au robinet, c'est peut-être pas totalement fini, mais ça pourrait aller mieux. Saint-Pierre vole au secours du tampon. Les deux communes ont signé hier un protocole de solidarité en cas de pénurie d'eau. En clair, la ville de Saint-Pierre s'est engagée à fournir de l'eau au tampon au moyen de connexions et d'interconnexions de réseau en cas de problème. Les précisions d'André Tienakoun, le maire du tampon. Nous pourrons ainsi refouler l'eau de la ligne des 400 jusqu'au tampon, de Montvet jusqu'à Bérive, et par la mise en place des moyens de connexion avec la citerne de la commune de Saint-Pierre qui se trouve sur la zone d'activité de Trois-Mars. Donc avec ces trois moyens de connexion et d'interconnexion, on devrait arriver à débiter 300 litres seconde, ce qui correspond à peu près à deux fois le débit du pont du Diable. Et avec un tel débit, on pourra continuer à alimenter la population en cas de rupture de canalisation dans le rempart de Grand Bassin. André Tienakoun, le maire du tampon, au micro de Pierre Komorasami, le tampon qui va continuer ses grands travaux de sécurisation d'approvisionnement en eau avec le renforcement du débit du captage du pont du Diable, le captage de la source Avril à Grand Bassin et la construction de retenues collinaires. Départ vers la métropole difficile pour certains étudiants ultramarins. On a connu des couacs ici à La Réunion avec des dossiers incomplets retoqués par l'ADOM et des étudiants cloués à La Réunion alors qu'ils étaient attendus à 11 000 km. Un bug informatique a bloqué entre 800 et 1000 passeports mobilité étudiants. Une situation qui va être débloquée grâce à la cellule de soutien gérée par l'ADOM, l'agence de l'Outre-mer pour la mobilité. Chaque année, 25 000 étudiants ultramarins vont étudier en métropole, Marie-Carline Chardonnay. Les jeunes ultramarins voulant s'inscrire lors des campagnes passeport mobilité étudiants ont été nombreux à ne pas avoir vu leur dossier pris en compte à cause d'un bug informatique. Mais il y a une autre raison, nous confie Florus Nestar, le directeur général de l'ADOM. Il y a une structure qui sert d'interface. Ce dispositif en matière de transport manque de réactivité. L'agence de l'Outre-mer pour la mobilité a mis en place des mesures précises. Elle a même fait affréter un avion pour permettre aux étudiants qui séjournent l'été dans leur famille de rentrer poursuivre leurs études en métropole. Et le ministère des Outre-mer a créé une cellule de soutien. Son rôle, c'est de dire aux étudiants, prévenez-nous et on va vous rembourser. Florus Nestar se veut rassurant, il l'assure, tout sera vite réglé. Hier soir, il y avait 350 personnes qui avaient saisi la cellule de soutien. Mais je rappelle que ces 350 personnes parmi 11 000 bénéficiaires. Mais la situation reste extraordinaire car il faut prendre en compte au cas par cas les urgences de chaque département. Sur Mayotte, de voir quels sont ceux qui doivent partir très rapidement. À La Réunion, ça se jugule normalement. Martinique, hier, beaucoup de jeunes ont pu prendre l'avion. Alors en Guadeloupe, l'avion, il y a eu un problème. Un retard dû à un avis de tempête, mais pour les retours de septembre, tout semble peu à peu rentrer dans l'ordre. Faire aussi bien, voire mieux que les 135 000 euros récoltés l'an passé, c'est l'objectif de la course Run Odyssea, course dont les fonds reviennent à la lutte contre le cancer du sein. On compte pour l'heure 5 200 inscrits, mais les organisateurs attendent 17 000 participants pour la 9e édition qui aura lieu les 5 et 6 novembre prochains à l'étang Salé. Nathalie Boursier, présidente de Run Odyssea. Odyssée, c'est toujours plus grand. À la rigueur, j'ai envie de dire, ça l'a déjà été du départ. Simplement, maintenant, on fait connaître les actions qui sont réalisées avec les dons. 130 000 euros de dons, c'est énorme. On arrive à toucher le plus possible de personnes malades. Donc, c'est vrai que, effectivement, il y a de plus en plus de monde. Mais tant mieux, parce que ça nous permet aussi de faire connaître la cause, de faire connaître nos actions et de toucher un maximum de personnes malades. Et c'est ça, en fait, notre objectif. Hein. Notre objectif, c'est pas d'avoir énormément de monde. Notre objectif, c'est surtout que les gens parlent de la maladie et que les personnes qui sont malades ne restent pas isolées dans leur coin. Nathalie Boursier, présidente de Run Odyssea, était interrogée par Pierre Komorasamy. Salué par la presse nationale et très attendu à La Réunion, le deuxième album de Graines Semées fait beaucoup parler de lui et en bien. Hors sol est meilleur clip et meilleur morceau de la semaine fin août pour Radio France Internationale. On a hâte de voir le groupe sur scène et c'est pour demain au Cabardoc au Port. Un avant-goût du Maloya évolutif du groupe réunionnais avec Hubert Debeu qui les a rencontrés lors de leur résidence au Port. Nos vaches sont suspendues à un mètre du sol. Depuis leur premier album, on attendait impatiemment le second. On savait l'épopée Graines Semées prendre des allures de conte de fées. Depuis sa formation sous cette forme il y a 7 ans, le groupe progressait sans cesse. Leur second album affirme plus nettement encore l'identité chanson du Cambo Electromaloya, son nom Orsol. Carlo De Sacco est le chanteur. Orsol est né comment ? Il est né au piano voix au départ et d'une envie de mélanger de l'électro avec le Maloya. Pour moi, ces deux musiques de trance, elles vont bien ensemble, elles se mélangent bien, elles se complètent bien. Et si c'est Orsol, c'est en l'air, c'est d'ailleurs le titre de la chanson phare. Qui n'est pas en contact facile avec la nature. Et justement, c'est peut-être parce que nous, on est à La Réunion qu'on voit ce décalage et qu'on prend conscience de la nature. Donc c'est un titre qui parle d'écologie. C'est juste une vision, un avis, une fenêtre. Et comme le réalisateur de ce deuxième album n'est autre que Jean Lamotte, il a travaillé pour Salif Keïta, Noir Désir ou encore à La Vachong, la chanson Hors Sol devrait faire ce que l'on appelle un tube. C'est quoi un tube? Tube dentifrice, oui. Ah, je pense pas à ça. Si c'est un tube, c'est le fait que les gens aiment bien et qu'ils ont envie d'écouter le morceau, bah oui, peut-être que ça va devenir un tube, j'espère. Graines Semées sera en concert vendredi au Cabardoc au Port et samedi au CA à Saint-Leu. Demain, Graines Semées en concert au Cabardoc avec la voix de Carlo De Sacco. Merci Cécile, avec ça le micro. Ça tremble la Salazie, il paraît. Oui, ça tremble. Ah, oui. On va s'informer, Cécile, ça Thomas. Ça a tremblé. Et on aura maintenant Maris qui est avec nous par téléphone. 6h41. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Ah, aujourd'hui, plus de douceur et un soleil vaillant comme oui, un chevalier. Soleil qui va être bien présent dès les premières heures du jour, malgré les nuages qui s'attardent sur le volcan, la région de Takamaka ou encore la plaine des Cafres. On pourrait avoir encore une ou deux petites averses en tout début de journée, puis après, on n'en parlera plus. Les nuages vont s'imposer tout de même sur le nord-ouest, notamment les hauteurs du nord-ouest. Cet après-midi est débordé vers la Possession et la route du littoral sans donner d'averses significatives. Et puis, partout ailleurs, nuages et éclaircies partageront le ciel avec du vent qui va souffler 40-50 km/h sur le nord et le sud, température en hausse. On pourra atteindre 27 à 28 degrés sur le littoral. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et on vous le disait avant 5h30, grâce à Nathalie qui nous a alerté par SMS au 06 92 70 2000. Grand matin au cœur de La Réunion, au cœur de ce qui se passe. Bien sûr. La terre a tremblé. Oui. À Elbourg, entre 4h15 et 4h30. Et Maryse va nous le confirmer. Elle est par téléphone avec nous. Coucou Maryse. Oui, bonjour à vos studios. Bonjour à toute La Réunion. Bonjour Maryse. Oui, à 16 ou 26, elle a été réveillée par un tremblement. Et le lit a bougé, vous avez dit, oui, Maryse. Oui, mon lit a bougé. Mais vous l'étiez attendu. Je croyais que c'était mon mari. Après, il voulait les ronfler toujours. Il me dit, ben non. D'accord. Mais oui, voilà. Le lit a bougé et. Il aurait beaucoup ronflé, là, quand même, hein, si le lit avait bougé à cause de son ronflement. Non, mais il n'entend pas, rien. Ah bon ? Elle n'entend rien. C'est pour ça, maman l'a réveillé. Parce que c'est pas la première fois qu'il m'y entend. Elle m'avait déjà entendu. Bon, pas là, mais avant, elle m'a déjà entendu. Oui. Et après, il me dit, bon, peut-être que c'est une voiture. Mais non, c'est mon lit qui a tremblé. Il me dit, non, c'est un tremblement. Et c'est pour ça qu'elle m'a regardé l'heure. Dès que m'a réveillée, elle m'a regardé l'heure. D'accord, c'est-à-dire que dès que là, elle a tremblé ou l'a quand même réveillée à haut, donc c'était un petit peu fort quand même, ouais. Hein, suffisamment oui, pour faire bouger. Moi, je suis sur un moment atteint, ouais. Elle était quand même assez fort. D'accord. Eh ben, en tout cas, c'est noté. On va voir ce qui s'est réellement passé à Salazie avec les scientifiques. Mais pour l'heure, je ne sais pas si c'est bien 16 ou 26, parce que du coup, dès que je regarde mon réveil, c'est je reviens. C'est peut-être plutôt 26, parce que Nathalie nous disait 4h30 tout à l'heure. Voilà. En tout cas, les équipes de la rédaction sont sur le qui-vive pour nous développer un peu l'information et en savoir plus avant 6h30. On vous fait un gros bisou, Maryse. Voilà. Merci de nous avoir appelé. Heureusement que vous étiez là, parce que comme ce matin, je vous écoute. Oui. Et là, comme j'étais réveillée un peu plus grand matin, heureusement, vous êtes là. Hein. Ça vous rassure. Toujours là, Maryse. Ça vous rassure un peu. Ça vous rassure voilà, un peu. Ça me rassure. Eh bien, tant mieux. Allez, bonne journée. Bisous, bisous, ma chérie. 5h43 dans toute la Réunion. On ira sur le marché de la source. Tout à l'heure. Bah oui. Et si jamais vous avez envie de nous parler de ce qui s'est passé, 99-2000 par SMS, 70-2000, les amis. Pas de soucis. Ça m'aime la Réunion. Alors. C'est Gaël, sur Première. Bon réveil. Même la Réunion sur la Première. Merci à vous de vous réveiller avec nous. Vous l'avez entendu avec Nathalie Delbourg, également Maryse de Mara Martin. On a ressenti une petite secousse ce matin aux alentours de 4h30. La réveille Maryse, Nathalie, elle a pas fait bouger rien, sa case, mais elle l'a ressenti quand même. Vous n'hésitez pas à nous donner vos petits messages également. Eh bien, au 06 92 70 2000 pour vos SMS et au standard 02 62 99 2000. Et on revient juste après avec le marché de la source et Prisca qui nous attend pour nous faire vivre encore à nouveau les histoires de rayonner comme chaque matin. Vendredi et samedi, One Time avec Roddy Cox. Roddy Cox. L'émission des nouvelles tendances, des nouveaux talents de la rue, nouveautés hip-hop, R&B, dancehall, reggae, trap, interview de malade, ambiance dance floor du début du week-end. Mets-toi bien, bébé. One Time avec Roddy Cox. Roddy Cox. Vendredi et samedi, de 20h à 23h sur Réunion Première. Ôté Thierry, allons à la plage avec nous demain. Ah désolé, je ne peux pas, je dois aller à la CGSS pour aller récupérer mon attestation de carte vitale. Pas besoin de te déplacer, crée ton compte Amélie et utilise leur service sur amélie.fr. Tu peux imprimer ton attestation de droit, contacter l'assurance maladie par mail, demander ta carte européenne et même télécharger l'appli Amélie. Facile, pratique, plus d'excuses, nous attend à où. Pensez au compte Amélie, votre espace personnel qui vous rend bien des services. L'assurance maladie. Hey, vous connaissez que depuis le 1er septembre, il y en a moins de ramassage poubelle. Comment ça fait là? T'inquiète pas, chérie, il suffit de produire moins de déchets et de mieux trier. En plus, les bons pour l'environnement et pour l'avenir de la Réunion. Hé, hey, regarde, papa, sur notre calendrier de ramassage, on en a toutes informations. L'est pas compliqué. Pour plus d'infos, appelez le numéro vert au 0800 501 501. Appel gratuit depuis un poste fixe. Rendez-vous sur www.civis.re ou sur Facebook Civis officiel. Moins de ramassage, plus de tri, plus d'avenir. Profitons-en pour avoir les bons gestes. Et n'oubliez pas, avant 6h, on va jouer à nouveau hein, pour vous faire gagner vos deux places de concert pour ce concert exceptionnel le 7 octobre prochain, l'Indigo, Désiré François. Enfants Zillois. La terre a tremblé aussi à Mafate, c'est ce que nous dit Paul. Ça a tremblé un peu partout, hein, visiblement. Oui, 06 92 70 2000 pour tous vos messages. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Priska, vous êtes sur le marché forain du côté de la source. Oui, mais apparemment, ici, la terre n'a pas tremblé. Ça n'a pas tremblé chez vous. Non, j'ai posé la question à M. Alphonse. Bonjour, M. Alphonse. Bonjour. Est-ce que vous avez senti un tremblement de terre ce matin? Non. Non? Vous étiez là depuis quelle heure sur le marché forain de la source? On a levé à minuit et mal arrivé. Le marché là à 4h. 4h du matin. Et ça s'est passé à quelle heure, les amis? 4h30. 4h30, donc vers 4h30, vous n'avez rien ressenti ici? Rien du tout. Rien senti. Bon. Tout va bien, monsieur Alphonse, ce matin pour ce marché? Oui. Oui, vous êtes en train de mettre les carottes pays sur les étals. Combien ça coûte, ça? 1,60€ le kilo. 1,60€. Est-ce qu'il y a les soldes en ce moment sur les marchés de la Réunion, monsieur Alphonse? Et dans les magasins arabes, oui. Oui. Mais au marché forain, non. Au marché forain, non. Bon, allez, combien ça coûte la tomate aujourd'hui? Vous avez déjà défini le prix? 1€ le kilo. 1€ le kilo, en même temps, c'est correct, hein, monsieur Alphonse? Oui. Oui. Ça va? Bon, on ne va pas déranger monsieur Alphonse plus longtemps parce qu'il est très, très concentré. Laisse aller. C'est important, hein, le marché, le matin. Hein. Bon. Ça demande beaucoup, beaucoup de concentration. Et les premiers clients sont arrivés. Bonjour, monsieur. Ça va? Oui, ça va. Vous êtes en direct sur Réunion Première. Bonjour, monsieur. Oui. Vous arrivez d'où? De Espagne. De? Espagne. Espagne. Ah, c'est un touriste, m'a pas trop compris. Mais du coup, il y en a un nouveau quartier dans la Réunion, il appelle Espagne ou quoi? Comment estás? Comment estás? Bien, et toi? Ça va. Oui, bien. Les conversations de touristes. Vous êtes en vacances? Non, je travaille là. Ah, vous travaillez. Bon, qu'est-ce que vous faites comme boulot, si c'est pas trop indiscret? Mon boulot, c'est l'amiante. J'ai travaillé à Amiante. Oui? Amiante. D'accord. Non. Il travaille l'amiante. Ouais. C'est dangereux l'amiante. Attendez, c'est dangereux l'amiante, non? Oui. C'est dangereux. Ah, il enlève l'amiante. Il enlève l'amiante des immeubles. Non, il en met peut-être. Et vous parlez bien le français ou pas? Ils sont bizarres en Espagne. Est-ce que vous comprenez le créole? Créole, c'est quoi ça? Des là. Oui, d'accord, ok. Non. Bon, ça va être difficile, mais bon. Alors on va vous laisser, bon, Priska. Ouais, qu'est-ce que vous allez acheter, là? Les œufs. Ah, il va acheter des œufs. Ah, ça, on a compris. Pour faire quoi avec les œufs? Tortilla des patates à l'espagnol. Tortilla des patates, ça, on connaît, ça, c'est bon. Bon, bah écoutez, vous allez nous donner la recette, on va le poster sur Internet, voilà. Sur la ça page roule. Grand Matin. Mais bon. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Priska. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. On rencontre toute la planète en fait sur les marchés. International, le marché. Bon, il faut se comprendre, c'est difficile. Alors on en mélange un peu le créole, le français, le japonais, l'espagnol. On y arrive. Mais c'est l'heure de jouer au thé. C'est l'heure de mixer avec DJ Fou. Pour les nuls, le mixage pour les nuls. By DJ Fou. Des titres, des artistes qu'il va vous présenter maintenant. C'est ça, il faut les reconnaître. Et vous repartez avec vos cadeaux 02 62 99 2000. Soit le titre, soit l'artiste, on vous demande pas les deux. Casse pas la tête ce matin là. Voici le mix de ce matin. Envoyez. Voilà. Oh, trop dur. Oh là là, que c'est compliqué. Il est à fond là. Oui. Vous reconnaissez, vous appelez 99-2000. Attention. La deuxième. Ils sont revenus dernièrement. Fergie. Ah. Et bien sûr, Will.i.am. D'accord. Allez, 0262-99-2000. On va du côté du standard. Allô, bonjour. Bonjour, bonjour. Allô. Bonjour, bonjour. Bonjour. C'est qui au bout du fil? C'est Christine. Salut Christine, comment allez-vous? Bien, bien. Bon, vous êtes partie d'où ce matin, vous? si vous êtes sur de la route. Saint-Pierre. De Saint-Pierre. Vous êtes pas... je suis sur Saint-Denis déjà. Vous n'avez pas senti la terre trembler, vous, c'est bon. Non. Bon, tout va bien. Bon, ça a tremblé du côté du Guillaume, c'est Nadine qui me le dit aussi à l'instant. Hein. Ah. Bon. D'accord. Ma chère, j'ai oublié votre prénom d'ailleurs. Christine. Ouais, Christine. Christine. Vous avez reconnu les deux extraits ou les artistes? Un seul. Alors lequel? Jean-Jacques Goldman. On va vous aider peut-être pour le deuxième. Mmh. Il y a Will.i.am, il y a Fergie. Ils reviennent avec leur titre Where is the Love. Ils ont chanté avec David Guetta I Got the Feeling. Oui. Black un truc. Black Eyed Peas, c'est gagné. Bravo, Christine. Bravo, Christine. Toute seule comme une grande. Merci. Félicitations, c'est bonne réponse. Eh bien, vous permettre de repartir avec vos deux invitations pour le concert Enfants Gillois le 7 octobre au Petit Stade de l'Est avec Désiré François, Cassia Lindigo, tout le monde sur scène tout et vous dans le public. Pour vous. Merci. Bisous, bonne journée. Bon réveil, Christine. Merci. Bonne route. Première. 5h54, voici les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Réunion Première vous fait part du décès de Monsieur Barlagne Christophe. Monsieur Barlagne Christophe, dit Féfé, originaire de Guadeloupe, le décès est survenu à l'âge de 74 ans en métropole. La veillée a débuté hier, 15h, au Centre Funéraire du Sud. Une prédication aura lieu aujourd'hui à 15h au Centre Funéraire. L'inhumation aura lieu au cimetière de Grandbois à Saint-Pierre. Décès de Monsieur Roger Benoît. Le décès est survenu mardi à l'âge de 94 ans. La bénédiction aura lieu au centre funéraire de Prima aujourd'hui à 14h. La crémation suivra à 14h30. Décès de Monsieur Akama Virama Henri. Décès survenu hier à l'âge de 81 ans. Un recueillement se tient actuellement à son domicile au numéro 6 rue Flacourt à l'étang Saint-Paul. La bénédiction aura lieu aujourd'hui 15h30 en l'église de l'étang Saint-Paul, suivie de l'inhumation au cimetière du même lieu. Décès de Madame Émerancienne Noël Alice. Madame veuve Émerancienne, née Noël Alice, dite Madame Lolo. Le décès est survenu hier à l'âge de 92 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile au 87 terre rue Raphaël Barquisseau à Fleurimont-Saint-Paul. Aujourd'hui à 14h30, la bénédiction aura lieu en l'église de Saint-Gilles-Léo à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière de Villèle. Décès de Monsieur Borcher Jean-Noël, décès survenu samedi. La veillée se tiendra chez ses parents 23 chemin Borcher au Guillaume Saint-Paul à partir de samedi 16h. La bénédiction aura lieu dimanche, l'inhumation se fera au cimetière de Guillaume Saint-Paul. Décès de Monsieur Janté René, décès survenu hier à l'âge de 88 ans. La veillée se fera au centre funéraire de Prima aujourd'hui. La bénédiction aura lieu à 15h30. La crémation se fera au centre funéraire de Prima. Décès de Monsieur Payette Philippe, le décès survenu hier à l'âge de 50 ans. Le convoi mortuaire sortira de son domicile 6 rue Pierre Payette à la rivière Saint-Louis, aujourd'hui à 15h. La bénédiction aura lieu en l'église Notre-Dame du Rosaire à la rivière Saint-Louis à 15h30, suivie de l'inhumation au cimetière de la rivière. Décès de Madame Sissa Aïe, Marie, Evan et Maillot, dite Madame Guy. Le décès est survenu hier à l'âge de 83 ans. Le convoi mortuaire sortira du 186 chemin Marat-Martin-Salazie aujourd'hui à 14h15. La bénédiction aura lieu en l'église de Grand-Ilette à 15h, suivie de l'inhumation au cimetière de Grand-Ilette. Réunion Première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèques et Complémentaire Santé. Michael, quelques infos pratiques. Non, filiale Saint-Leu distribution en eau perturbée voire interrompue sur les secteurs suivants. Chemin Vaudeville, La Poste, Carlonnette, Jacquier, Bancoulier et les voies adjacentes. La remise en eau se fera des achèvements des travaux. Des travaux donc qui concernent la commune de Saint-Leu aujourd'hui. Commune du Tampon aussi concernée aujourd'hui par une distribution en eau l'a carrément interrompue. Chemin Philidor, Técher, Bracreux, partie haute, chemin Giroflé, impasse des Lanternes, chemin des Muguets, RN3, partie comprise entre le 16e et le 20e kilomètre, chemin des Géraniums, des Maraîchers, Barbeau, partie haute, Fargeau, partie haute, de la Salette, partie haute et Centre des Citronnelles. Là aussi, pas d'heure de remise en eau prévue le jeudi 8 septembre. Aujourd'hui, vous concernera aussi à Saint-Joseph puisque les coupures d'électricité seront prévues de 8h45 à 15h. Rue Martin Luther King en partie, impasse des Pipangailles en partie, à Saint-Louis de 8h à midi. Rue Le Comte de Lille en partie, ainsi que rue Jean 23 et Sainte-Marie de 9h45 à 16h30. Et concerné aussi par les coupures d'électricité, rue Elki, Chenin et Grain Rouge en partie. Première. C'est l'info de ce début de journée. La terre aurait tremblé dans les cirques. Elle a tremblé, parce qu'on a plusieurs témoignages maryse maintenant qui se recoupent. Nathalie et Maryse ont ressenti cette secousse aux alentours de 4h30. Elle n'a pas été trop saisie. L'Otteidor, elle a été réveillée quand même. Hein. Eh oui, quand même. Ça a été ressenti dans ma fat aussi. Par Paul et puis par Nadine du Guillaume qui nous l'a dit. Voici Beethoven, couleur café. Mais bon. Couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses. Alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets à tes pieds se balancent. Couleur café, que j'aime ta couleur. L'effet que ça fait de te voir rouler ici les yeux et les hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter. Ce soir la nuit sera blanche. Couleur café, que j'aime ta couleur. Beethoven au bas avec couleur café. Jambot résume bien l'actualité du matin. Tremblement de terre, question. Zotte les sûres, c'est pas plutôt le câlin du matin. Oh, t'es Jambot. Oh, câlin agité quand même, Jambot. Hein. Là, le lit a secoué, ce que nous a dit Maryse. Oh là hein. Là. Bon. Pas raisonnable à 6h du matin. Quand même. C'est surtout l'heure du journal avec Stéphane et Nilorak. Bonjour Stéphane. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. Allemands, Indiens, Chinois, l'an passé, un quart de nos touristes venaient de l'étranger. Un chiffre en progression et salué par le comité d'orientation stratégique du tourisme. Le COST qui veut par ailleurs développer l'écotourisme au volcan. Plus de précisions dès le début de ce journal. Une réforme précipitée et sans financement. Plusieurs syndicats se donnent rendez-vous ce matin devant le rectorat pour protester contre la réforme du collège. Autre mobilisation prévue le 15 septembre, celle pour demander l'abrogation de la loi travail. Et ça ne se passe pas que dans la rue, vous l'entendrez, mais aussi au niveau juridique et constitutionnel. Séance et culture et découverte en fin de journal, le chanteur Carlo De Sacco nous présente le nouvel album de Graines Semées, un savant mélange de maloya et d'électro. Mais avant de développer ces titres, la terre a tremblé ce matin à Salazie. C'est vous, auditeurs, qui nous l'ont signalé. De légères secousses ressenties vers 4h30. Plus d'informations dans nos prochaines éditions. Trouver des solutions pour renforcer la notoriété de l'île à l'étranger et développer des produits à forte valeur ajoutée. Ce sont les missions du comité d'orientation stratégique du tourisme ou COST. Il s'est réuni mardi au département pour faire un bilan et pour présenter ses projets. En ce qui concerne la diversification de la clientèle, les chiffres sont bons. De 18% de touristes étrangers en 2010 à 25% l'an dernier. Le COST salue en particulier les efforts réalisés par les structures de l'île pour accueillir les visiteurs indiens et chinois. Et parmi les autres sujets débattus lors de cette réunion, Johanna Damadorassi, des pistes pour développer l'écotourisme au volcan. Deux projets sont en cours d'étude au volcan. D'abord un éco-gîte d'une capacité de 100 places, une structure qui au niveau énergétique devra être autonome et s'intégrer au milieu naturel. Elle viendra compléter l'offre existante sur le secteur. Co-financé par l'Union européenne, l'État, la région, le département, le projet a été acté mardi et les travaux vont démarrer fin 2018 pour une livraison en 2019. En complément de cet éco-gîte, un écolodge est également en discussion. Un établissement haut de gamme destiné à devenir, je cite, un produit d'image emblématique et exemplaire de la Réunion selon le COST. Et pour cause, il proposera une expérience axée sur une découverte dite interprétative du volcan. Deux sites ont déjà été identifiés. Après concertation avec les différents acteurs concernés, un appel à projet sera lancé dans le secteur privé. Les candidats devront bénéficier d'une solide expérience internationale au sein d'espaces naturels protégés et en sites isolés. Un projet qui sera vraisemblablement analysé dans ses moindres détails par le parc national dans le but de préserver au maximum cet écosystème de notre île. Joanne Adama Dorassi. En social, le social, une rentrée chargée en France comme à La Réunion. Plusieurs syndicats se donnent rendez-vous à 10h ce matin devant le rectorat à Saint-Denis. Ils veulent manifester contre la réforme du collège, une réforme précipitée et sans financement selon eux. Autre mobilisation prévue la semaine prochaine, le 15 septembre, celle contre la loi travail. La loi a été adoptée cet été sans vote par la procédure du 49-3. Pour autant, les syndicats CGT, FO, FSU, Solidaire et UNEF poursuivent leur combat et demandent d'une seule voix l'abrogation du texte. En parallèle de la mobilisation dans la rue prévue à Saint-Pierre et à Saint-Denis, à Saint-Pierre et Saint-Denis, les syndicats attaquent le texte au niveau juridique et constitutionnel. Les précisions d'Yvan Roirot de la CGTR. Ces questions trient notamment à, disons, les inégalités de traitement selon la taille des entreprises. Vous savez que selon la taille des entreprises, il faudra un trimestre de chiffre d'affaires ou le chiffre d'affaires baisse, ou deux ou trois selon la taille. Donc c'est la discrimination selon la taille d'entreprise. Deuxième point, c'est sur la barémisation des indemnités prud'homales. Et le troisième point notamment, je pense que c'est sur le fait religieux et le règlement intérieur. Il y a eu des modifications en termes de neutralité du fait religieux dans le règlement intérieur, et c'est notamment sur ces trois points, mais ça n'épuise pas, sur ces trois points que des questions prioritaires sont posées. Yvan Roirot, interrogé par Daniel D'Ambreville, le secrétaire général de la CGTR, et qui sera l'invité de la matinale à 7h15. Il reviendra bien sûr sur cette mobilisation, mais aussi sur l'emploi local, le chantier de la NRL ou encore l'égalité réelle. Et l'égalité réelle, ce sera aussi le thème de C'est dans l'actu après votre journal de midi. Et on reparle d'éducation, la réussite des jeunes dionysiens au cœur du projet municipal. La ville de Saint-Denis souhaite lutter contre l'échec scolaire par le biais des services civiques. C'est l'une des priorités de cette rentrée scolaire 2016. Dès lundi prochain, 1500 enfants vont bénéficier de ce service civique. 150 jeunes seront positionnés dans les écoles élémentaires faisant partie du périmètre de l'éducation prioritaire. Reshma Twanti Matwar fait partie de cette brigade de jeunes et qui se sont engagés dans ce service civique. Portrait avec Nadine Bachelot. Reshma a 22 ans. Elle est étudiante en première année de licence d'anglais à l'Université de La Réunion. Comme ses autres camarades, elle s'est engagée pour une période de 8 mois dans le service civique. Sa mission, médiatrice et animatrice, et peut-être plus encore. On sera plus des accompagnateurs parce qu'on n'a pas les qualifications, mais on peut apporter une aide, un regard nouveau et surtout être un lien entre les élèves et les professeurs ou les parents. Je suis étudiante et agent civique en même temps. Concilier le service civique et les études ne semble pas être un problème pour Reshma, qui est très motivée pour cet engagement citoyen. J'ai déjà travaillé avec des enfants et pour moi c'est une chance aujourd'hui de découvrir d'autres horizons. C'est une découverte et j'aime les enfants. Soutenir les jeunes, les accompagner, les éduquer, Reshma devra gérer 10 élèves. Une façon à elle de découvrir les facettes de son futur métier. Actuellement, je suis étudiante en langue, donc normalement, le parcours normal, c'est finir professeur. Et c'est une manière pour moi aussi de voir un peu, de découvrir un peu le métier, avoir une première approche du métier d'enseignant. On va être vraiment dans l'organisation de l'école. Reshma va bénéficier d'un contrat de 20 heures par semaine et elle interviendra pendant la pause méridienne et pendant les activités périscolaires. Objectif, lutter contre le décrochage scolaire. Un reportage signé Nadine Bachelot, et les jeunes qui participent à ce service civique recevront près de 600 euros par mois. Le partage maître mot de cet accord signé hier entre les villes de Saint-Pierre et du Tampon. La première s'engage à fournir la seconde en cas de pénurie d'eau. Objectif, lutter contre les coupures. Les deux communes vont également se partager les investissements nécessaires au refoulement de l'eau de Saint-Pierre vers le Tampon. Carnet bleu dans le domaine musical, le deuxième album du groupe réunionnais Graines Semées est né. Un beau bébé prénommé Hors Sol, c'est d'ailleurs le titre de sa chanson phare, elle devrait faire un tube. Un album orchestré par le Maloya et mélangé à l'électro. Ce groupe existe depuis une dizaine d'années et n'a cessé de grandir au fil des ans. Il sera en concert pour la sortie de son second enfant demain soir au Cabardoc du Port et samedi au Cabar à Saint-Leu. Présentation avec Carlo Desacco, le chanteur. Hors sol, Nos vaches sont suspendues à mètre du sol. Un mélange de différentes musicalités sur une base de maloya. Et cette formation-là actuelle, elle a 7 ans. Orsol est né comment ? Il est né au piano-voix. C'était une composition piano-voix au départ et d'une envie de mélanger de l'électro avec le maloya. C'est un titre qui, comme son nom l'indique, parle des choses hors sol, de notre vie qui est de plus en plus hors sol, qui n'est pas en contact facile avec la nature. Et justement, c'est peut-être parce que nous, on est à La Réunion qu'on voit ce décalage et qu'on prend conscience de la nature. Donc c'est un titre qui parle d'écologie, qui ne veut pas donner de message. C'est juste une vision, un avis, une fenêtre. Sois content d'oublier les grandeurs d'un diplôme. Le chanteur Carlo De Sacco avec Hubert Debeu. C'est la fin de cette édition. Le tour de l'actualité en France et dans le monde avec Anne-Charlotte Costabadi de France Info. Une grève dans les collèges aujourd'hui, une semaine après la rentrée. Plusieurs syndicats, dont le SNES, le principal dans le secondaire, appellent à se mobiliser pour une 7e journée de protestation contre la réforme du collège. Également les conditions de la rentrée. Plusieurs manifestations sont prévues en France, dont une à Paris. Le cortège partira à 14h de la place de la Sorbonne. Dans une semaine pile une nouvelle mobilisation nationale contre la loi travail. Un appel des syndicats CGT, FSU, FO ou encore Solidaires et l'intersyndicale étaient réunis hier soir à Nantes pour la rentrée sociale avec un millier de militants. Un accord trouvé entre éleveurs bovins et le groupe Carrefour dans la soirée sur le prix de la viande. Après une journée d'action devant des supermarchés du groupe, Carrefour accepte de mieux rémunérer les éleveurs, à mettre plus en valeur la viande dans leurs rayons. Et Jean-Pierre Fleury, le président de la Fédération nationale bovine, demande désormais aux autres distributeurs de se mettre à niveau dans les prochains jours, sous peine d'autres actions la semaine prochaine. Hier matin, SNCF et Alstom présentaient leur premier partenariat d'innovation pour la création du TGV du futur. Dans la foulée, une annonce qui passe mal pour les 500 salariés d'Alstom Transport à Belfort. Les activités de production de trains et d'ingénierie vont être transférées d'ici 2 ans en Alsace à Reichshoffen. A priori, pas assez de commandes. Environ 400 employés vont devoir être placés dans différentes usines. Entre une cinquantaine et une centaine de salariés resteront à Belfort pour la maintenance des trains. Et également 466 postes supprimés en France par le groupe bancaire HSBC d'ici 2 ans. Le plan de départ volontaire était présenté hier aux représentants du personnel. HSBC emploie en tout 9500 personnes en France. Un couple était toujours en garde à vue dans la soirée. Entendu par les enquêteurs antiterroristes, ce week-end, une voiture remplie de bonbonnes de gaz avait été découverte, abandonnée près de la cathédrale Notre-Dame à Paris. Cet homme et cette femme étaient connus pour leur lien avec la mouvance islamiste radicale. Un Américain ne supportait plus sa femme. Il a donc prétendu de faire un braquage dans une banque du Kansas pour se faire emprisonner. L'homme de 70 ans a prétendu avoir une arme et exigé le contenu de la caisse. Il s'est ensuite assis pour être interpellé avant d'être, comme il le souhaitait, jugé et incarcéré pour donc s'éloigner de sa maison et de sa femme. À l'US Open de tennis, une qualification française en double demi-finale. La paire Nicolas Mahut-Pierre Hugues Herbert qui affronteront prochain tour le britannique Jamie Murray, le brésilien également Bruno Suarez. Et demi-finale aussi pour le japonais Kei Nishikori, le 6e joueur mondial, a battu le 2e Andy Murray. C'était la fin aussi de la cérémonie d'ouverture des 15e Jeux paralympiques à Rio au Brésil sous la pluie. 4300 sportifs vont s'affronter pendant 11 jours, dont 126 Français. Il est 6h11 sur la première, le jour se lève, Sabrina est dans son champ de canne. Oui, déjà, on lui fait un bisou à Sabrina. On vous fait un gros bisou. Et le ciel est de votre côté, il fait doux et il fera ensoleillé. Vous nous envoyez c'est toutes ces photos sur Facebook, hein, sur la page Grand Matin, comme ça on peut savoir en temps réel la météo chez vous, doux et ensoleillé. T'as raison Isabelle. Bah alors. C'est ce qui nous attend aujourd'hui, malgré quelques nuages qui s'accrochent encore au cirque, aux plaines, au volcan et sur le sud sauvage et le flanc-est du volcan, on les voit encore ces nuages ce matin, mais tout ça va se désagréger et progressivement c'est le soleil qui va prendre le dessus sur ces nuages, soleil qui est déjà bien présent ailleurs. Derrière nous, bah ciel oui. bleu déjà à Saint-Denis, même si le soleil n'est pas encore tout à fait là, mais on voit qu'il pointe le bout de son nez. Et puis cet après-midi, on aura quelques nuages quand même sur les hauteurs de la Possession qui pourraient déborder sur la route en corniche et sur la Possession elle-même. Alors, un peu plus de gris certainement là, les hauteurs un peu plus sous les nuages. Et globalement, l'impression de beau temps va dominer avec des températures qui vont monter du coup. Hier, on a atteint déjà les 28 degrés à Saint-Gilles. Alors... on les atteindra encore aujourd'hui. comme quoi on peut profiter de la chaleur, même en hiver, et parce qu'on est encore en hiver. Et voilà. Le petit tendance reste à la hausse comme ça ? Tendance à la hausse pour le week-end, un week-end qui alternera entre soleil et nuages, mais quand même avec du soleil, surtout certainement dimanche, mais ça sera à confirmer, et des températures qui vont monter, aussi grimper. Le long du week-end, vous attendez pas non plus à des températures estivales, mais à des températures beaucoup plus chaudes qu'elles ne l'étaient la semaine dernière notamment. On va faire un point trafic tout de suite. Bonjour Yves. Bonjour Yves. Oui, bonjour, bonjour les enfants, très heureux de vous retrouver ce matin. Il fait clair, beau, quelques petits nuages, ça fait un joli panorama dans le ciel. Le trafic qui se fait correctement, mais attention, un poids lourd est en panne. Ceci dit, on n'a pas plus d'embouteillage que d'habitude. Ça se situe à l'entrée de la tranchée couverte donc de plateaux cailloux pour le début des bouchons. Le poids lourd, lui, il est en panne sur le viaduc, sur la voie lente, dédié à ces camions. Donc vous êtes obligé de vous rabattre sur la voie médiane. Alors faudra vous y habituer à cette situation puisque bientôt il va y avoir la semaine de la mobilité et normalement, je dis bien normalement parce que je n'ai pas encore entendu la confirmation, mais c'est quasiment sûr, hein, donc cette voie de descendante qui normalement est une voie donc spéciale véhicule lent, donc véhicule qui roule à 60 km/h, devrait être interdite pendant une semaine, celle de la mobilité. Donc à voir comment ça va se passer. En neutralisant cette voie, ça fera un effet de rétrécissement en moins sur la partie basse et ça pourrait peut-être fluidifier, peut-être augmenter la distance de l'embouteillage, mais fluidifier le trafic. Voilà, c'est ce qui est en train d'être imaginé et qui va être tenté en tout cas pendant cette semaine qui s'approche à grands pas. Voilà, donc poids lourd en panne, donc voilà, bouchons sur cette partie ouest et notamment au niveau de l'échangeur de Belmen surtout. Il y avait un autre véhicule en panne plus loin sur la bande d'arrêt d'urgence à hauteur du PMV. Bon, il gênait pas vraiment, sauf des regards. Et puis un peu quelques ralentissements en abordant Saint-Denis, mais juste avant le carrefour avec la route de la montagne, ça se passe encore bien sur la route du littoral. Et côté est, le trafic ralentit déjà. Donc secteur Saint-André, Sainte-Suzanne, bon courage et bonne route. Grand matin avec Isabelle Waraud et Mickaël Laurette. Alors vous êtes sur la route, vous êtes peut-être aussi au marché. En tout cas, il y a même des touristes espagnols au marché. Tout à l'heure, presque, on en a rencontré un. C'était quand même insolite comme situation parce qu'il connaissait pas beaucoup de mots français. C'est ça le marché forain. On compte des gens le matin comme ça au cœur de la Réunion. Il boit de l'eau de coco en ce moment sur ce marché avec Prisca. C'est en photo sur Facebook, la page Réunion Première et la page Grand Matin. On ira vers 6h20. Mais avant ça, on va vous faire gagner quoi? De l'argent, 20 euros de bons d'achat dans notre magasin Espace Fraîcheur. C'est pour vous et ça se passe au 02 62 99 2000. Juste après Navy. J'écoute du Miles Davis. Moi aussi. Sur Première, bon réveil, bonne journée à tous. Ma peine au fond d'une fiole, puisqu'on sera plus ensemble. Si fier qu'on s'abandonne, c'est fou ce qu'on se ressemble. On se reverra pas. T'aimes tant te faire du mal. L'amour c'est comme ça. Tout ne tient qu'aux détails. Alors j'écoute du Miles Davis et le temps passe. On s'afflige des supplices. Prisonnier de mon spleen. La peine c'est pas du toc. Des larmes de crocodile en fond Herbie Hancock. Donne-moi de tes nouvelles. Si la nuit tu es seul, peu importe qu'on s'aime ou qu'on se fasse la gueule. Alors j'écoute du Miles Davis et le temps passe. On s'afflige des supplices puis on se lasse. Alors j'écoute du Miles Davis. Est-ce que tu écoutes du Miles Davis, Isa? Ah ben, moi j'écoute Réunion Première. Après, si y a Miles Davis, tant mieux. Et sur Première, on écoute Navy. C'est dans Grand Matin. C'est le moment d'appeler pour vous. le 0262 99 2000 pour gagner. Eh bien, 20 euros. 20 euros. Des euros, non. Ouais, des euros, oui. Des euros, c'est mieux. Dans les magasins Espace Fraîcheur 02 62 99 2000, c'est une question de rapidité. À tout de suite. Dans un instant, sur Première, un petit bug technique, comme ça, ça peut arriver. D'ailleurs, vous appelez 0262 99 2000. Alors, ce qui tombe bien, c'est qu'on a Valérie, là, justement, au standard. Salut, Valérie. Coucou, ma chérie. Bonjour. Valérie de Saint-Denis, elle travaille dans l'aéronautique. Bah, vous faites quoi dans l'aéronautique, Valérie? Je m'occupe des passagers, faire des réservations, de billets d'avion, donc voilà. Ah, vous êtes à l'accueil, alors? L'accueil passager? Oui, c'est un petit peu plus compliqué. C'est plus compliqué. Bon, on va le simplifier alors, voilà. Hein, parce que le matin, on n'aime pas être compliqué. Valérie. Non, vous travaillez aujourd'hui, Valérie ? Oui, malheureusement. D'accord. Vous vous êtes réveillée à quelle heure, Valérie ? Ça fait une petite demi-heure, voire une heure que je me suis réveillée. D'accord. Et là, vous êtes déjà sur la route pour partir bosser ? Vous êtes encore à la maison ? Non, je suis encore à la maison. Oh. On a préparé, maquillée, comme toutes les femmes. Ah, quoi, mais c'est important de prendre le temps de se maquiller. Vous savez ce qu'on dit ? Une femme, en fait, ça se lève à 5h. Mm-hmm. À 5h15, elle se maquille. À 5h20, elle se douche. À 5h30, elle prend son petit déj. À 5h40, elle se regarde dans la glace, puis elle s'habille. Tu es gentil pour les 5 minutes de maquillage. Ça. Généralement, ça dure petit peu plus longtemps. Voilà. Et jusqu'à 8h. Alors qu'un homme, ça se lève à 7h30, et entre 7h30 et 8h, ça fait tout. Enfin, ça fait rien. Ou ça fait rien, oui, c'est vrai, vous avez raison. Non, mais moi, je suis solidaire, Valérie. On se comprend entre filles. Bon, Valérie, en tout cas, moi, ce que je suis content de vous offrir avec Isabelle, c'est 20 euros d'espace fraîcheur. Voilà, c'est pour vous. Donc, félicitations. Donc, c'est bon d'achat de 20 euros à les magasins espace fraîcheur. On vous fait un gros bisou, Valérie. Moi bon aussi, courage. Bonne journée. Merci à vous de nous écouter le matin. Je vous en prie. Merci, Valérie. Bisous. Bonne journée. Salut. Au revoir. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Aujourd'hui, c'est Antoine de Cannes qui ne revient pas d'avoir des bons à parier offerts. C'est pas vrai ! Oh yes ! Yes ! Yes ! Mais oui, Antoine, pour la rentrée et pendant les jours 100% gagnants, votre bon à parier est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Du 2 au 11 septembre, pour tout quintet plus de 6 euros minimum joué sur la course du jour, PMU vous offre un bon à parier d'une valeur de 2, 4 ou 10 euros, valable sur le quintet plus du lendemain. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Première. Le son de Baster. Oui. Dans vos oreilles, comme l'horizon ça. Dans Grand Matin. Cassé. Où vous soyez à la Réunion. L'horizon pour mon peuple casse cassé. Cassé dans le train l'assistance, sinon ça, le train l'égalité galée. Je comme un pensé, mon vision pour mon peuple il est maille-maillé. Oh yeah, aïe dans le train la souffrance dégalée, dignité rayonnée la fine fanée. Le bon train, l'assistance, la souffrance, la poche à dire égalée. Non, ni le pied levé, ni la vie comme il rêve, les plus gagnants. Dans mon imagination, ma main, mon pays, qui respire le goût, la vie, oh galée. Pour lever l'eau dans la peau gâtée. bon ça, grand matin. Gaillard, l'horizon cassé, Baster, qui vous souhaite une bonne journée sur la première. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Et vous êtes nombreux déjà sur le marché forain de la Source, n'est-ce pas Prisca? Ah oui, on est nombreux. D'ailleurs, il y a Gilou qui voulait me montrer quelque chose dans le camion. Ah. Gilou, bonjour. Gilou. Venez me rejoindre, Gilou. Gilou, bonjour. Bonjour, ça va? Comment ça va? Eh ben, ça va bien, oui. Parlez-nous de votre métier, parce qu'en fait, Gilou, il fait un métier assez particulier. Ah. Il sillonne tous les marchés de la Réunion à la recherche de produits frais, de produits rares, pour livrer ensuite à des grands chefs cuistots de la Réunion. C'est ça, en gros, votre métier? Ah, faut pas se tromper. Ouais. Et là, vous avez quoi comme sélection du jour pour les restaurants? On revient du marché de Gros. Oui. Saint-Pierre, c'est bien? Oui, c'est bien, ouais. On a des quoi fraises. Comme nouveauté? Comme nouveauté, il commence à y avoir pas mal de fraises. Mm-hmm. Je pense que le prix va baisser un peu de la fraise. Mm-hmm. Et les restaurateurs, les grands chefs, ils ont demandé quoi? Sinon, j'ai eu tomate noire. La tomate noire. La tomate noire. C'est quoi comme variété de tomates? Les noires. C'est une espèce. Bravo, Isa. Ça ressemble un peu à la noire de Crimée, en fait. Ouais. Voilà. Et le goût, c'est pareil que la tomate rouge? Ah non, non, ça n'a rien à voir. Ah. C'est quoi comme goût? C'est un peu plus sucré? Non, plus épicé, je dirais. Ouais. Ouais, moi je l'aime bien en carry ou en rougail. C'est le côté obscur de la force. C'est tomate noire. C'est la tomate de Dark Vador ou quoi? Et ça coûtait combien? La guerre des étoiles, ça coûte combien? Au détail, c'est aux alentours de 4, entre 4 et 5 euros le kilo. Ah ouais, quand même. Alors, elle est bonne, hein? Elle est bonne, vous nous dites. La tomate de luxe. La tomate de luxe, parce qu'elle est vraiment moche, par contre. Hein. L'original, elle n'est pas le vilain. Pourquoi vous dites qu'elle est moche? Elle est moche ou pas? Non. On va vous montrer ça tout à l'heure, parce que là, c'est vrai que tout est bien organisé. Bah, combien de caisses il y a là-dedans, dans ce camion, au moins Entre 80 et 100 caisses. Et là, vous êtes venu chercher quoi au marché de la Source, là, ce matin? En fait, déposer des fraises pour un restaurateur. Qui n'est pas très loin. Voilà, non, il vient au marché. Ah d'accord, ouais, c'est un point de rencontre le marché. Hein. Comme je passe devant, je lui lâche les fraises, ça l'arrange, il en a besoin tôt le matin. Ouais. Et il y a du patol là, Gilou, vous en prenez ou pas vous du patol? Oui, ça arrive, il y a des restaurants qui aiment bien les légumes longtemps. Ouais. Ça fait partie des légumes longtemps et il y en a en ce moment sur le marché forain de la Source, c'est à 2 euros le kilo. Alors tout à l'heure les amis, nous parlerons du gingembre avec Sabine, Jou, puisque vous savez qu'il y a le gingembre traditionnel et puis il y a aussi le gingembre mangue. Ouais. Alors comment l'utiliser? On vous donnera la réponse tout à l'heure à 8h30 dans la colle Jacques avec Jackie Revel. Le mot de passe pour aujourd'hui, Prisca. Le mot de passe, c'est tomate noire. Tomate Dark Vador. Tomate Dark Vador. C'est le côté obscur. De la tomate. De la tomate. Merci, Prisca. Merci. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Tu vois, aucun marché ne ressemble à un autre. Et c'est oui. pour ça qu'on y va tous les c'est matins. C'est pour ça. Dans une poignée de minutes, l'actu, on reviendra sur la terre qui a tremblé à Salazy. You'll never buy my love. You buy me this and you buy me that. So when I'm over, you need over. Avec This Girl sur Première dans Grand Matin. Bon début de journée avec nous, 6h28 et 45 secondes, on est précis. Ah bah oui, on va faut, du côté de vos SMS 06 92 70 2000 et on salue notamment Julien de Saint-Denis qui fait un coucou à toute sa famille qui est en voiture en ce moment sur les routes. On fera un point route juste après le journal de Cécile Thomas. Et puis alors, la terre a tremblé à Salazie, à Mafate ou au Guillaume, on va en parler dans un instant. Et on a des photos de vous, là justement, des paysages de toute la Réunion sur la fameuse page Grand Matin, JRN apostrophe matin, ma chère Isa. Oui, mon cher Michael, il faut poster sa photo pour gagner des cadeaux. C'est comme ça jusqu'à 8h. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Vous êtes à Bruniquel, Yves. Absolument, donc j'irai par Bruniquel avec du changement à partir de ce matin, alors que la déviation avait été enlevée juste pendant les vacances et avant la rentrée, enfin en tout cas avant la rentrée, déviation donc par la Saline des Bains dans le sens nord-sud et de façon obligatoire, donc on repassait en alternat sur le tronçon qui est en travaux, et bien de nouveau à partir de ce matin et jusqu'à la fin de l'année, ça sera de nouveau dévié, alors depuis ce giratoire Bruniquel pour le moment et jusqu'à Trudeau, sens nord-sud, déviation obligatoire par le centre-ville, attention ça est en place après l'heure de pointe, 8h30 jusqu'à 16h. Pas de changement, le poids lourd est toujours là, le véhicule donc de la DRR vient d'arriver donc pour baliser ce poids lourd en panne dans la descente du viaduc du Bernica en direction de Bruniquel. Ceci, le bouchon est simplement à hauteur de plateau caillou pour le moment. Une fois passé la route digue, trafic un peu moins encombré, donc en direction le pont de la rivière des Galets. Et ensuite, l'entrée ouest, c'est juste au niveau de la caserne d'Ambert pour le moment. Donc ça se passe encore plus tranquillement à l'entrée de Saint-Denis, les tranchées et le pont Vinsan sont encore fluides. Les bouchons dans l'est avant, petit bazar en ce moment en direction de Sainte-Suzanne. InfoRoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. 6h30 sur la première. Le journal de la rédaction est présenté par Cécile Thomas. Bonjour Cécile. Bonjour à tous. Des perturbations à prévoir dans les collèges et les lycées ce jeudi. Une intersyndicale appelle à manifester contre la réforme du collège effective depuis la rentrée le mois dernier. Explication dans ce journal. Des jeunes en service civique pour épauler les élèves de Saint-Denis. Une initiative lancée par la ville pour lutter contre l'échec scolaire. Il avait raccroché les crampons. Yves Etève revient. L'ancien président historique de la Ligue réunionnaise de football a annoncé son intention de présenter une liste aux prochaines élections au sein de la Ligue. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis Tropique de la violence, un livre écrit par une Mauricienne sur les enfants clandestins à Mayotte. Il est en lice pour le prix Goncourt. Dans l'actualité de ce jeudi, donc, journée de mobilisation contre la réforme du collège. Une large intersyndicale, SNES, FSU, FO, CGT et Sud, appelle les enseignants à cesser le travail dans les collèges et lycées. Aujourd'hui, un mouvement contre la réforme appliquée depuis la rentrée d'août, mais dont les syndicats demandent toujours l'abrogation. Daniel D'Ambreville. La plus grosse critique des syndicats d'enseignants, la perte sèche d'heures de discipline classique au profit des EPI, les fameux enseignements pratiques interdisciplinaires. Ils ne doivent pas remplacer mes venues en supplément, précise le représentant du SNES. Dans le collimateur des syndicats, il y a aussi la marge d'autonomie trop importante laissée aux établissements. Chaque collège choisit ses EPI. Il fixe aussi la répartition des programmes sur 3 ans. Pour les syndicats, cela crée une disparité des enseignements d'un établissement à l'autre et renforce les inégalités sociales entre les enfants. Enfin, les syndicats dénoncent une réforme précipitée, sans financement. C'est la première fois que tous les programmes, de la 6e à la 3e, changent en même temps. Conséquence, des manuels en nombre insuffisant et surtout bourrés d'erreurs et de fautes. Alors aujourd'hui, l'intersyndicale espère évidemment une forte mobilisation contre la réforme. Et aux nombreux enseignants qui font remarquer que le texte est passé, qu'ils sont obligés obligés de l'appliquer. Les syndicats proposent une résistance pédagogique. Le SNES a même édité un livret pour contourner la réforme des collèges et ne pas l'appliquer. Daniel d'Ambreville, une manifestation est prévue à 10h devant le rectorat ce matin. Et le SNALC, lui n'appelle pas à la grève aujourd'hui. Le syndicat a quitté l'intersyndical, mais il propose aussi un mode d'emploi pour ne pas appliquer la réforme. Des jeunes en service civique auprès des élèves de Saint-Denis, la ville a recruté 150 jeunes pour lutter contre l'échec scolaire. Ils devront soutenir et accompagner les élèves dans les zones d'éducation prioritaire de la ville. Les précisions de Gilbert Annette, le maire de Saint-Denis. Vraiment un effort colossal pour la réussite éducative contre l'échec scolaire, puisque nous allons recruter 150 jeunes étudiants en service civique pour accompagner les élèves du cours élémentaire 2 de la zone d'éducation prioritaire. Donc 150 jeunes qui vont faire un peu les tuteurs, les grands frères, les grandes sœurs, au niveau des études, au niveau des vacances, pour lutter contre l'échec scolaire qui est le fléau de la Réunion. Je rappelle, les chiffres sont là, 15% de jeunes réunionnais en situation d'illettrisme quand il est de 4% en métropole. Donc c'est vraiment une tare qu'il faut éradiquer et nous nous mobilisons avec des moyens. La ville engage 150 jeunes services civiques pour aider les jeunes à réussir leur éducation. Gilbert Annette, le maire de Saint-Denis, interrogé par Nadine Bachelot. À 7h15, Yvan Waraud de la CGTR sera l'invité de la matinale dans une semaine. Nouvelle mobilisation contre la loi travail. Les syndicats CGT, FO, FSU, Solidaire et l'UNEF seront à nouveau dans la rue contre la loi El Khomri adoptée grâce au 49-3. Yvan Waraud répondra aux questions de Philippe Dornier. La fin des coupures d'eau au tampon, on le sait, la commune doit moderniser, améliorer son réseau d'eau potable. Des travaux sont prévus, mais en attendant, une solution solidaire vient d'être trouvée. Un protocole de solidarité en cas de pénurie d'eau vient d'être signé avec la commune voisine de Saint-Pierre. Saint-Pierre qui a les moyens de basculer de l'eau vers le tampon et permettre aux usagers d'échapper aux coupures. Les explications d'André Tienakoun, le maire du tampon. Et avec 300 litres secondes de la commune de Saint-Pierre qui viendrait dans ton secours, à ce moment-là, on met la population du tampon à l'abri d'un manque ou bien d'une rupture d'approvisionnement de l'eau. Et il nous restera, pendant ce temps-là, de mener les grands travaux. Nous voulons avancer dans nos chantiers de captage de l'eau de la Sous-Savoine à Grand Bassin qui va nous donner 200 litres secondes, renforcer le débit de la canalisation du pont du Diable et construire nos barrages collinaires de la plaine des Carpes. Alors tout ça demande un peu de temps pour pouvoir un jour arriver à ce que, d'ici 3 ans à peu près, que le tampon soit dans une zone plus sûre et plus sécurisée qu'aujourd'hui. André Tienakoun, le maire du tampon, répondait à Pierre Komorasamy. Erika Baredge a reçu hier Victorin Lurel à Paris. La ministre des Outre-mer s'est entretenue avec le député guadeloupéen, rapporteur de la future loi sur l'égalité réelle. Très prochainement, le texte sera présenté à l'Assemblée. Que contient ce projet de loi exactement? Quelques mesures phares détaillées par Victorin Lurel. Sur le titre économique, il faut renforcer les aides aux PME. Il faut là quelque chose. Sur la fiscalité, moi je suis partisan des zones franches globales. Il faut voir comment redéployer le dispositif actuel qui est pluriel et donc comment le faire et dans quel délai. Sur le social, moi je suis partisan d'un complément de retraite. Je suis partisan du RSTA, du revenu supplémentaire temporaire d'activité, le fameux BINO, le fameux COSPA. Il faut voir en quoi est-ce possible. Comment faire les accords d'entreprise conformes à la loi El Khomri. Ça demande arbitrage préalable. La VPF, l'allocation vieillesse aux parents, au foyer, c'est 300 millions. Comment le faire? Il faut les simulations. Victorin Lurel interrogé par Célia Cléry. 6h37 sur la première, la suite du journal Cécile Thomas. On le sait, la Fédération française de football réclame de nouvelles élections à la Ligue réunionnaise de football. Et qui dit élection à la Ligue dit... Yves Etève, écarté de son siège de président en 2014 après plus de 30 ans de règne, l'ancien patron du foot pays fait son comeback. Un retour sous la pression de ceux qui le réclament, s'explique Yves Etève. Il envisage donc de présenter une liste lors des élections du comité directeur de la Ligue régionale de football au mois de décembre. Objectif, évincer Noël Vidotte et son équipe en place depuis 9 mois, Antoine Garnier. Il faut sauver le soldat football, s'exclame Yves Etève, peu avare de critiques sur la manière dont son successeur Noël Vidotte administre le foot pays. notamment d'un point de vue financier. Cette équipe actuelle menée par son président, et surtout lui, est en train de complètement devenir les foutoirs du football réunionnais. C'est une situation très, très, très grave, avec le déficit annoncé par le président lui-même, pour de plus de 630 000 euros de déficit, alors que nous l'avions laissé avec un fonds de roulement largement positif. En réponse à son détracteur, l'actuel président de la Ligue réunionnaise de football laisse planer le doute sur la sincérité des chiffres présentés à l'époque où Yves Etève était aux affaires. Noël Vidotte. C'est la première fois qu'on fait vraiment une audit de qualité, comme on a fait, d'accord. Je ne suis pas là pour polémiquer, je travaille, je fais le nécessaire pour que cette ligue fonctionne, et je l'ai fait dans le plus grand respect qu'il puisse y avoir, de façon à ce que des présidents de club puissent découvrir véritablement ce qui s'est passé par les années passées. J'étais là pendant 2 mois en 2015. Écoutez, on va bien voir. La date du scrutin n'est pas encore fixée, mais la Fédération française de football exige qu'il soit organisé d'ici la fin de l'année. Ce sera donc probablement courant décembre. Antoine Garnier. Tropique de la violence est le 6e roman de la Mauricienne Natacha Apana. Ce livre figure parmi les 16 romans de la première sélection pour le prix Goncourt 2016. L'histoire nous plonge dans la violence, celle que vivent des milliers d'enfants clandestins livrés à eux-mêmes à Mayotte. Entre 2008 et 2010, Natacha Apana a vécu à Mayotte. Cela donne une fiction très engagée. Natacha Apana est très heureuse d'être sélectionnée pour le plus prestigieux prix littéraire du monde francophone. Elle est jointe par Marie-Carline Chardonnay. J'ai vu la dépêche tomber et oui, en effet, je suis très heureuse. Ça ne dépend pas de moi. Il faut que le livre parle tout seul. Il faut que les voix des personnages s'envolent. Je me rends compte que beaucoup de romans de cette liste disent une manière nouvelle d'appréhender le monde par la fiction, par justement la complexité des récits, des géographies, des identités, des points de vue. En ce sens-là, vraiment, la sélection Tropique de la violence m'honore vraiment. Mon récit est toujours engagé du côté des personnages. Il est engagé, si vous voulez, du point de vue des non-puissants, c'est-à-dire du quotidien des gens qui vivent leur réalité à Mayotte. De ce point de vue-là, absolument, il est engagé. Oui, j'ai beaucoup de retours de lecteurs. Vous savez, il est sorti il y a 10 jours, donc il faut que les choses se mettent en place, mais je sens un intérêt pour le sujet. Cette nouvelle fiction, cette nouvelle manière d'appréhender les problèmes du monde, et la fiction a un pouvoir évocateur extrêmement puissant. Natacha Apana, Tropique de la violence, est édité chez Gallimard et donc en lice pour le prix Goncourt 2016. Merci Cécile, on vous retrouve à 6h50 pour les unes de la presse. À tout à l'heure. 6h40, quoi fait Cécile ? Mais on se réveille, on y va ! Allez, on est réveillés ! Allez, il y a un petit coup de mou, ça arrive. Une petite secousse et hop ! Voilà, c'est ça. Assez à l'Asie jusqu'ici. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Ce matin, dans le ciel, tout va bien. Oui, mais oui. Du bleu, un peu partout hein, sur l'île, même si quelques nuages parfois sont présents là dans le cirque de Sillaos ou celui de Mafate. Enfin, ils seront quand même plus majoritaires cet après-midi sur les hauteurs et sur le relief du nord-ouest, notamment les hauts de la Possession, avec pourquoi pas un ou deux débordements sur la route en corniche et le secteur nord-ouest donc de l'île entre la Possession et Saint-Paul, ce qui pourrait perturber un peu le soleil. Mais globalement, c'est l'impression de beau temps qui va dominer avec plus de soleil que de nuages. Aujourd'hui, du vent qui va souffler 40-50 km/h sur le nord et le sud, ce qui va permettre de dégager les nuages sur le littoral, et littoral qui aura des températures douces ce matin, déjà 20 degrés au port notamment, et cet après-midi on pourra atteindre les 27 à 28 sur le littoral ouest, et d'ailleurs des températures qui seront un peu plus chaudes qu'hier et avant-hier sur l'ensemble du département. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Et on rejoint Yves Gourier à Saint-Leu. Yves, oui, c'est à vous. Le mois de septembre à Saint-Leu, vous savez, c'est le mois de la salette. La salette. Et oui, dans 11 jours, hein, alors ça tombe à dimanche hein, cette fois-ci, donc ça sera moins compliqué pour le trafic. Ceci dit, depuis que la route des Tamarins est ouverte, donc il y a quand même moins de difficultés pour traverser Saint-Leu lors de la salette. Hein. Alors ceci dit, donc ça devrait démarrer juste avant. durant la, la semaine prochaine pour les fêtes et la fermeture donc de la nationale. Donc on en reparlera sans doute un peu plus tard parce qu'il n'y a pas encore les annonces ici au niveau de Saint-Rue. J'essaie d'avoir quelques informations complémentaires là-dessus. Bah, ça circule pour le moment correctement au niveau de la rue Général Lambert ici, la circulation se faisant avec le poids lourd qui a réussi à redescendre doucement et à sortir de la route des Tamarins. Donc il n'y a plus de jeunes, vous êtes sur les trois voies et donc le bouchon est même redescendu après l'échangeur de plateau caillou. Il est avant la tranchée couverte. C'est étonnant, hein, donc en ce jeudi. Ce qui est étonnant, c'est que l'entrée ouest, on est également ralenti simplement en hauteur de la caserne Lambert toujours. Ceci dit, le pont Minsan est encombré de moitié. Une entrée est encore fluide. Les ralentissements se situent toujours entre Saint-André et Sainte-Marie maintenant jusqu'à la ravine des Chèvres au moins. Voilà pour la situation avec de bonnes conditions. La route est sèche, le temps est clair. Bonne route à tous. Grand matin avec Isabelle Waraud et Mickaël Lorette. Est-ce que vous aimez la frite à la maison? Oh yeah. Est-ce que t'aimes la frite, Isa? Ah oui. Oui. Comme les enfants. Mais est-ce que t'aimes la frite belge? Une fois. Frite belge. La frite belge. Je peux pas aller en Belgique pour aller chercher de la frite belge. Comment oui, mais je à la Réunion, on peut manger de la frite belge. Où ça? Au port. Non. Ouais, alors c'est insolite quand même, des Belges au port. Bah oui. Bah oui. Et ils l'ont fait, on les a trouvés. Il y a des Belges au port qui font de la frite. Oui, on en parlera tout à l'heure, on ira à la frite belge. Voilà. Au port avec Christelle qui nous parlera des plats, des spécialités. Et puis vous verrez, elle a toute une histoire, toute une expérience qui est vraiment intéressante à écouter avec un tas d'expressions belges forcément. Parce qu'elle a encore gardé ce petit ton belge, les amis. Eh, tu oui. fais ça bien. Hein, j'essaye. Hein. Ah, j'essaye. Bien, mais enfin, ça. Je pense que Jean-Marc Lienne et Laurent Pirotte le feront mieux que moi, nos journalistes de Réunion Première. En tout cas, ce matin, oui. avant 7h, on ira donc au port, mais on ira aussi vous présenter les unes de la presse. Mm-hmm. Et là maintenant, vous avez fait les soldes là à la maison? Les soldes. J'ai pas fait les soldes, mais on pourrait en parler pendant des heures des soldes. Ah, les soldes, hein. Hein, ah, les soldes. Les soldes avec des prix qui sont pas si cassés que ça parfois. Bah, Et puis le linge, ça a l'air intéressant, voilà, mais tu rentres pas dedans. C'est pas forcément le linge non. qu'on veut. Bon. Les soldes quoi. Letchi est parti faire aussi les soldes, voilà, Letchi. C'est ça. C'est son sans-vocal quotidien. Linda, Ghislaine, prépare-toi, cet après-midi nous ça fait magasin, c'est les soldes. Le retour de cette période où on a l'impression de moins faire baise ou de gueule par rapport à d'habitude dans le magasin. Notez que la bien laisse la rentrée scolaire passer avant de lancer les soldes. C'est dommage, vous l'avez déjà acheté la plupart ben linge ou marmaille. Mais reste plus qu'à profiter pour vous, madame. Moins 30, moins 50, moins 70%, c'est la folie. Vite, vite, prends le maximum de linge. Les pas cher, remplis panier marmaille. Qu'importe si quand on arrive à la case, vous vous rendez compte que le petit haut fleuri qu'on l'a acheté, il fait un petit peu trop mémé et qu'il y en a un trou dedans. Ou l'a fait une bonne affaire. Une bonne affaire, oui. Quand le petit haut la passe de 80 à 50 euros et qu'on connaît que les commerçants n'ont pas le droit de vendre bain de linge à perte, vous dites pas qu'on a un problème là? C'est quoi le vrai prix ce linge? C'est quoi la marge bénéficiaire que Banaï fait sur nos têtes le reste de l'année? Chut, achète et pose pas de questions. On l'a vu comment le chemisal est joli, mais les sueurs y va au bien. C'est un bon marque qui dure longtemps ça. Ah non, mais essaye pas vendre à moi une affaire, hein. Il vaut pas la peine sans moi. Cherche un linge en solde, c'est mission impossible pour moi. Pour une raison simple, n'a point ma taille. C'est le premier taille qui disparaît le premier jour des soldes à la première heure. Ma demande à un vendeur, comment ça se faisait d'ailleurs? Bah monsieur, votre taille, on n'en commande pas beaucoup, hein. Il y a très peu de clients qui ont votre morphologie qui viennent dans notre magasin. En d'autres termes, monsieur, ou il est trop petit, ou il a pas boire assez la soupe quand t'es marmaille, allez finir de croissance et après on viendra acheter linge dans les magasins pour grandes personnes. Sinon, c'est pendant les soldes que on comprend que nana 800 000 habitants à La Réunion, les magasins et les rues les bondés. Madame, vous êtes venue avec votre famille pour profiter des prix attractifs, c'est ça? Ah non, moi il profite les soldes pour regarder un petit peu et faire une petite sortie en famille, hein, pas pour acheter, il est encore trop cher ça pour nous. En clair, Lee, son mari et ses trois enfants, les là juste pour faire le tas. Sinon, on a encore une autre qualité de moon, cette l'est un peu comme mon sœur. Zana la meilleure technique pendant les soldes, Zot. Zot, ça va depuis grand matin, Zot, il passe la journée en ville, il fait 8 magasins différents, il essaye un quantité linge et il arrive avec la case avec un haut. Tout ça pour ça? Effectivement, le haut est joli, mais on n'a pas l'impression d'avoir perdu autant là? Ou l'a fait un bon affaire au moins? Combien l'a renu à où ça? Ah non, mais c'est un article non soldé en fait, c'est la nouvelle collection. Ah ouais. Attends, mais il croit qu'on l'a pas trop compris, c'est quoi le principe de faire les soldes? Mais voilà comment ça se finit souvent les soldes. C'est un état d'esprit les soldes, c'est l'état d'esprit. Allez, à suivre, Jane a décidé de nous accompagner dans Grand Matin avec Makeba. Du 14 au 16 septembre, Réunion Première vous fera suivre le CRC Tour. Une dizaine d'associations, des stands d'information et de nombreuses animations gratuites à l'occasion des 40 ans des caisses réunionnaises complémentaires. Retrouvez-nous de 10h à 12h dans Les Experts, en direct sur Réunion Première Radio, depuis la place du marché de Saint-André, le mercredi 14 septembre. Et lors d'interventions en direct de 9h à 12h, le jeudi 15 septembre à Saint-Joseph-la-Halle. Et le vendredi 16 septembre sur la place de la mairie à Saint-Louis. Ôté Thierry, allons à la plage avec nous demain. Ah désolé, je ne peux pas, je dois aller à la CGSS pour aller récupérer mon attestation de carte vitale. Pas besoin de te déplacer, crée ton compte Amélie et utilise leur service sur amélie.fr. Tu peux imprimer ton attestation de droit, contacter l'assurance maladie par mail, demander ta carte européenne et même télécharger l'appli Amélie. Facile, pratique, plus d'excuses, nous attend à où. Pensez au compte Amélie, votre espace personnel qui vous rend bien des services. L'assurance maladie. Aujourd'hui, c'est Antoine de Cannes qui ne revient pas d'avoir des bons à parier offerts. C'est pas vrai! Oh yes! Yes! Yes! Mais oui, Antoine, pour la rentrée et pendant les jours 100% gagnants, votre bon à parier est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Du 2 au 11 septembre, pour tout quintet plus de 6 euros minimum joué sur la course du jour, PMU vous offre un bon à parier d'une valeur de 2, 4 ou 10 euros valable sur le quintet plus du lendemain. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Première. Allez, vous êtes au saut du lit, vous étirez les bras. C'est pas facile. Vous êtes sur la route, vous ouvrez bien grand vos oreilles. Oui. Vous êtes déjà en train de prendre le petit déjeuner. Ça tombe bien. Oui. Le grand défi, le grand matin, c'est pour vous. Mm-hmm. Envoyez photo de petit déjeuner. Tout simplement, et repartez avec des invitations pour aller au cinéma. Demain, tirage au sort, catamaran, croisière. Ah, tout ça pour vous, dis donc. Tout ça peut-être pour vous. On envoie une petite photo sur la page Facebook de Grand Matin. Alors faites-le. Compliqué. Vous êtes dans Grand Matin. Bon réveil. Bonne journée. Jane, Makeba. La jeune franco-malgache qui nous avait enchanté au Sakifo en juin dernier. Oui. Elle continue d'enchanter en chanson. Elle sera en Italie, en Allemagne, en Angleterre, Los Angeles, les États-Unis, Canada, bref. Et partout. Ça marche bien pour elle. Bah, c'est parfait. Les unes de la presse à 6h51. Avec Cécile, on commence avec le quotidien et l'histoire de cette jeune femme née sous X qui a retrouvé sa famille. Anaïs est effectivement née sous X à La Réunion et grâce à Facebook, elle a retrouvé sa mère et ses frères et sœurs. 12 ans pour retrouver sa mère, titre le journal. Autre titre à Saint-André, la piétonne renversée n'a pas survécu. À Saint-Paul, des sonars pour sécuriser les filets anti-requins. À l'étang salé, Odyssea dans les starting blocks. Et puis 40 ans avec le quotidien, en 2009, la route des tamarins, la reconquête de l'Ouest, titre le journal. Une enquête sur le prix de l'eau en une du journal de Lille. Pourquoi les factures explosent, écrit le GIR. Les tarifs ont augmenté de plus de 42% en 7 ans. Autre titre à la ravine des Cabris, née sous X, Anaïs a retrouvé sa mère. Et puis au tampon, tac, écope d'un rappel à la loi pour achat de voix. Bruxelles qui s'attaque à l'évasion fiscale en une du journal Le Monde. La commission doit soumettre à l'automne un projet de directive allant dans le sens d'une harmonisation fiscale dans l'Union européenne. Révélé par Le Monde, le projet arrive alors que l'Irlande va faire appel de la sanction de 13 milliards d'euros exigée par l'Europe à Apple. Un appel à dire non au sexisme en une d'aujourd'hui en France. Sexisme, vous aussi dites stop, titre le journal. Association, personnalité et gouvernement lancent ensemble une campagne contre le sexisme au quotidien avec ce slogan « Sexisme, pas notre genre ». Autre titre, espace. Et si un astéroïde entrait vraiment en collision avec la Terre, s'interroge le journal. Scénario catastrophe. Hein. Pour le Figaro, le Made in France s'invite dans la présidentielle. Tous les candidats à l'élection de 2017 s'emparent du thème de la relance de la production française, considérée comme une solution à la crise industrielle et plébiscitée par les Français. Autre titre, à 2 mois du scrutin, Donald Trump revient dans la course. C'est la présidentielle aux États-Unis, nous rappelle le Figaro. Les impôts en une de Libération. Un dernier geste pour la route, écrit Libé. La baisse promise par François Hollande ne suffira pas pour effacer l'échec de sa politique fiscale menée en faveur des entreprises et aux dépens du pouvoir d'achat et de la croissance, commente Libé. Autre titre, Big Malion, France Télé sous pression. Que se passe-t-il à la tête du PSG? C'est en une de L'Équipe du Matin. Oui, Paris, c'est flou, titre le journal. Seul dans les gradins, le président du club Al-Khelaifi qui tente de dissiper le brouillard, nous dit L'Équipe. C'est un peu brumeux aussi comme titre, il faudra éclaircir cela. Et puis en rugby, Galtier dit oui à Toulon. Merci Cécile, retour de l'information à 7h avec Stéphane et Nilorac. Et il est 6h53 dans J'ai toute faim. La Réunion. Oui, moi aussi. Moi aussi. Alors, ça sent l'odeur de friture, là. Hein, vous sentez? C'est pas de la frite? Bah si, c'est la frite belge. La frite belge. À la frite belge, direction le port, avec Christelle qui est notre invitée ce matin. Bonjour restauratrice Christelle. Au port. Bonjour Christelle. Christelle qui est belge, elle-même. Oui. Et qui a commencé cette aventure il y a 2 ans à la Réunion. Alors, pourquoi des Belges ont débarqué au port? Parce que la vie est belle au port. Tu m'étonnes. Ah oui. Ah oui, mais enfin, on pourrait penser que les étrangers préfèrent le Tampon, Saint-Pierre, Saint-Gilles, d'autres villes qui sont plus peut-être connues pour leur tourisme. Le port, un peu moins connu pour son tourisme. Et vous êtes au port. Qu'est-ce qui fait que vous êtes arrivé au port? Bah, c'est-à-dire que on a choisi le port pour sa population. Oui. Pas forcément tout ce qu'on peut y croire, mais c'est vraiment une ville agréable, vraiment bien tenue. Et on en doute pas. Il y a beaucoup de gens qui y travaillent, donc c'est ces gens-là qu'on a ciblés. Ça même le porc. Alors on parle de frites belges. Mais c'est quoi une frite belge? Donc c'est une pomme de terre fraîche, coupée le jour même, rincée à l'eau, cuite en double cuisson à l'huile végétale. Parce qu'en Belgique on la cuit à l'huile, la graisse de bœuf, mais en La Réunion on ne le fait pas. Alors il y a une double cuisson. Ça c'est quand même assez différent de la frite française notamment. Exactement. Voilà. Et il y a même des clients, des ch'tis, qui viennent vous voir dans votre restaurant et qui vous disent que la frite belge, ils préfèrent. C'est ça? Ah oui, non, oui. C'est ça, exactement. Ils ont pu comparer et il y a même un client qui nous a élu la meilleure frite du monde, quoi. Ah oui, donc, complètement. Ouais, complètement. Ah, c'est pas rien, c'est pas rien. Alors, vous cuisez la graisse de bœuf, justement, pour ouvrir. Vous ne cuisez pas la graisse de bœuf, pardon, pour ouvrir, justement, à toute la clientèle. Et notamment au Malbar qui ne mange pas forcément de bœuf. Voilà. Exactement. Ouais. Donc, ça, c'est important à signaler. Et est-ce que, du coup, il y a d'autres plats typiques belges que vous proposez chez vous? Par exemple, De la carbonade flamande, c'est un bœuf cuit à la bière, brune, avec de la cassonade. Et puis, on a du vol au vent qui est à base de poulet. Mm-hmm. Donc, c'est une béchamel avec des blancs de poulet. Ça a l'air pas mal, ensuite, ça. Ensuite, c'est très bon. On a du fil américain, c'est une viande crue, un genre de tartare, mais assaisonné avec des sauces belges. D'accord. Ensuite, on a tout ce qui est burger maison. Donc, c'est un peu moins belge, mais c'est fait maison. Mm-hmm. Et en poulet, en bœuf, sont excellents. Alors, une frite. Ça a l'air consistant. C'est bien lourd. On mange bien. On mange bien. C'est pas semblant. Hein. Une frite belge ne serait pas une frite belge sans la pomme de terre belge. Exactement. Alors, est-ce que vous faites des pommes de terre belges? Oui, c'est des pommes de terre belges, mais nos tests font qu'on va essayer de les planter à La Réunion. Ah. Pour pouvoir faire travailler les Réunionnais à notre projet. C'est-à-dire que pour l'instant, vous vous débrouillez comment alors? Par container. Ah, d'accord. Et donc bientôt peut-être des pommes de terre belges. Mais alors, ça pousse à La Réunion des pommes de terre? Justement, c'est pour ça qu'on est en plein test. Ouais. Et on espère d'ici le mois de janvier, voire février, on pourra vous proposer des pommes de terre belges mais réunionnaises. C'est votre petit secret, la pomme de terre belgeo-réunionnaise ou créolo-belge, effectivement, avec plusieurs récoltes dans l'année, parce qu'on fait une récolte en métropole. Hein, oui, seulement. Ça ne doit pas se récolter pareil, oui. Exactement, on fait une récolte en métropole, ouais. Et ici on va essayer d'en faire trois. Ah ouais, quand même. Ah, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Donc beaucoup de consommateurs de frites au porc. Mais alors, encore une fois, hein, on vous demande, vous avez fait une étude pour arriver au porc. Vous allez faire certainement une étude avant d'installer votre restaurant. En fait, quand on a eu le projet de ce restaurant, on a créé une page Facebook. Mmh. Et en fin de compte, ça s'est fait tout seul, puisque un mois après, on avait 1000 membres et les trois quarts venaient du porc. D'accord. Ah oui, quand même. Donc c'était un petit peu naturel, du coup, d'aller s'installer Exactement. Là-bas. Les portois aiment la frite belge. Eh oui. Eh ben oui. Mais écoutez, comme quoi, on peut parfois être surpris. Alors, vous êtes VRP un peu aussi de la Réunion en Belgique, quand vous y allez C'est pour ça, exactement. Vous vendez la destination un peu. On nous baptise les ambassadeurs. Mmh. Ah oui, carrément, les ambassadeurs. Ouais, ouais. Et il paraît que votre restaurant s'appelle le restaurant Benetton, d'ailleurs. C'est ça. Qui a toute couleur. Exactement. Quand il y a des moments le samedi soir ou le vendredi soir, on se retourne. Ouais. Eh bien, on a de tout. Ah voilà, ça c'est chouette, comme quoi. On sélectionne pas du tout. Ouais. Tout le monde vient et tout le monde est bienvenu. Et est-ce que vous travaillez avec des gens là-bas en métropole pour vendre la destination, vendre votre restaurant? Exactement, ouais. On travaille avec des agences de voyage qui nous proposent des actions avec leur billet d'avion où les gens sont conviés à venir boire un verre de l'amitié chez nous. Chouette. Eh ben, vous êtes tellement amical qu'on a envie de le boire, ce verre, accompagné de moules fraîches d'Hollande que vous faites une fois par mois. Hein. Voilà. Exactement, une fois par mois, tous les deuxièmes week-ends de chaque mois, on fait des moules fraîches d'Hollande, toute réservation. À la bonne heure. Ça se passe où? À la frite belge, c'est à côté du Cabardoc, au port. Au port. Et c'est ouvert du mardi au samedi. Exactement. Eh bien, on ira faire un tour. Tu m'étonnes. Vous êtes les bienvenus. Merci Christelle. Merci. Belle journée à vous. À vous bientôt. Merci, au revoir. Et voici les pronostics de Pascal Maillot pour le quintet de cet après-midi à Chantilly, prix de l'Île-de-France. Il vous conseille le 2, le 16, l'As, le 14, le 8, le 13, le 12, le 6 et en cas de non partant, le 18. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour. Vous êtes à l'étang salé, Yves. Avec le correctif, vous l'aurez corrigé vous-même. Hein. 8 plus 11 égale 19. 19, c'est bien la date de la croix de la... Salette, et c'est bien un lundi, hein, donc ce sera bien le lendemain du week-end. Voilà, donc attention, c'est noté. Attention, les ralentissements qui se font avant le giratoire de la Catherine en ce moment, en provenance de la déviation de Grandbois depuis l'échangeur Maxime Rivière, et puis quelques ralentissements entre le giratoire Chemin Laguerre pour rejoindre le rond-point de Grand Anse. Si vous êtes dans ce secteur, prudence en direction de Saint-Pierre, bien entendu. La descente du tampon, c'est plutôt correct. Les bouchons toujours à hauteur de Plateau Caillou pour le moment. L'entrée ouest, alors avec le soleil et le virage du gouffre, eh bien les ralentissements se sont rapprochés de la Grande Chaloupe très rapidement. Mais c'est bien le soleil qui perturbe le trafic. Les tranchées chargées, le pont Vinsane également, entrée est encore roulante. InfoRoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. C'est l'heure, 7h sur la première. Et c'est l'heure du journal. Stéphane Enilorac, bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour à tous. La Réunion mise sur l'écotourisme. Bientôt au volcan, un éco-gîte d'une centaine de places et un écolodge haut de gamme. Et des produits à forte valeur ajoutée pour continuer à attirer plus de visiteurs étrangers. Une rentrée sociale chargée. Manifestation ce matin devant le rectorat contre la réforme du collège. Alors que se prépare une nouvelle mobilisation contre la loi travail le 15 septembre prochain. À 7h15, l'invité de la matinale, Philippe Dornier, reçoit Yvan Ouarraud. Le secrétaire général de la CGTR reviendra bien évidemment sur cette manifestation, mais aussi sur l'égalité réelle, l'emploi local et le chantier de la NRL.

agence régionale de santé qui reste vigilante également en ce qui concerne la dengue. Pas de nouveaux cas en ce moment, mais il ne faut pas pour autant baisser la garde. Emmanuel Rodic est ingénieur coordonnateur des secteurs Est et Nord pour l'ARS. On est toujours sur une phase où on se méfie puisqu'il pourrait y avoir une circulation à bas bruit. Il n'est pas exclu qu'on ait encore des cas de dengue qui circulent, qui puissent être masqués d'ailleurs par l'épidémie de grippe. Donc il faut rester vigilant, il faut continuer à supprimer les gîtes dans son jardin, il faut quand on a des symptômes aller voir le médecin, en particulier quand on a fréquenté des zones qui étaient considérées à risque jusque-là. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est terminé. Il faut qu'on reste sur cette vigilance. On n'a pas de nouveaux cas identifiés. Pour autant, il pourrait y avoir une circulation à bas bruit qu'on ne voit pas. Emmanuel Rodic de l'Agence régionale de santé, interrogé par Michel Ozou et Francis Bourgoin. On a entendu parler de lui pour des problèmes de visa il y a quelques semaines. Son roman Anguille sous roche est désormais salué par la critique parisienne et sélectionné pour plusieurs prix littéraires. Ali Zamir, un jeune Comorien de 29 ans, était de passage dimanche dans l'île. Dans son roman de 320 pages, écrit d'un seul souffle avec un rythme et un style particulier, il raconte le destin d'Anguille, une fille d'un pêcheur originaire de Moutsamoudou. L'histoire de cette jeune lycéenne angevinaise de 17 ans, sérieuse et serviable, Ali Zamir y pensait depuis longtemps. Je l'ai commencé en 2009 jusqu'en 2010. Juste au moment où justement, j'avais fini ma cinquième année. J'étais étudiant au Caire. Donc j'ai commencé à chercher un éditeur depuis le Caire. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cette trame-là, cette histoire-là ? Je ne sais pas exactement, mais je pense que c'était la nostalgie, la mer, la culture. Parce qu'au Caire, il n'y avait pas le bruit de la mer que j'entendais tout le temps chez nous. La vie, la manière de vivre des Comoriens, tout cela me manquait. L'écrivain comorien Ali Zamir au micro de Jean-Paul Mélade. Retrouvez l'intégralité de cette interview exclusive ce soir dans Culture Première à 18h15. C'est la fin de cette édition. Le tour de l'actualité en France et dans le monde avec Anne-Charlotte Costabadi de France Info. Les 15e Jeux Paralympiques au Brésil sont officiellement lancés. La cérémonie d'ouverture s'est terminée dans la nuit au stade de Maracana de Rio. Des milliers de spectateurs sont venus acclamer les 4300 sportifs en compétition, dont 126 Français, dans le stade des applaudissements, mais aussi des huées pour le nouveau président brésilien Michel Temer lors de ses interventions. Plusieurs milliers de manifestants défilaient en ce jour de fête nationale dans le pays pour demander le départ du conservateur. Cela fait suite à la destitution de la dirigeante de gauche Dilma Rousseff la semaine dernière. Des Jeux paralympiques qui se font sans la délégation russe, exclue par le Comité international olympique pour suspicion de dopage. Une cérémonie a donc été organisée en parallèle à Moscou. Les athlètes s'affronteront aujourd'hui et demain. La Russie qui n'a toujours pas trouvé d'accord avec les États-Unis sur la conduite à suivre en Syrie. Washington affirme que les négociations sont bloquées. Peut-être donc pas de rencontre entre Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, et John Kerry, le secrétaire d'État américain, qui devait se rencontrer à Genève aujourd'hui. Et puis hier, le Haut Comité pour les négociations ainsi que l'opposition syrienne a présenté à Londres avec plusieurs ministres des Affaires étrangères européens un plan de sortie de crise. Il prévoit notamment la mise à l'écart de Bachar al-Assad et un cessez-le-feu de 6 mois. Un couple était toujours en garde à vue dans la soirée après la découverte ce week-end d'une voiture près de Notre-Dame de Paris. Elle était remplie de bonbonnes de gaz. Des bonbonnes qui n'étaient pas reliées a priori à un système d'allumage. L'homme et la femme interpellés mardi près d'Orange dans le Vaucluse étaient connus des services de renseignement pour leur lien avec la mouvance islamiste radicale. 6 personnes dont le propriétaire de la voiture ont été entendues hier puis relâchées. Le président François Hollande attendu dans la matinée Salva Graham à Paris pour un discours sur la démocratie et le terrorisme. Ses proches espèrent aussi qu'il y aura quelques pistes pour une éventuelle candidature pour la présidentielle de 2017. L'allocution a été préparée depuis l'attentat du 14 juillet à Nice. Le site historique d'Alstom à Belfort va perdre la majeure partie de ses activités. Ce d'ici 2 ans, plus de production de trains ni d'ingénierie. Tout cela part en Alsace, à Richhofen. Seule la maintenance reste. Environ 400 des 500 salariés du site doivent être replacés dans d'autres usines du groupe ou partir. Pas de départ forcé, assure la direction. Les éleveurs bovins ont obtenu un accord avec le groupe Carrefour sur le prix de la viande. Le groupe alimentaire agroalimentaire s'engage à mieux rémunérer les éleveurs, à mettre plus en valeur leur viande dans les rayons également. Les producteurs s'étaient mobilisés dans la journée devant des hypermarchés partout en France. Et puis, une grève des enseignants aujourd'hui. Plusieurs syndicats appellent à la mobilisation contre la réforme du collège. Il est déjà 7h11 sur la première. Soleil, il est en phare. Ah, il est en phare. Il est clair, il clair partout. Très en phare, avec notamment des éclaircies un peu partout sur l'île qui vont prédominer une bonne partie de la journée, même si l'après-midi, les nuages vont s'imposer sur les hauteurs du nord-ouest, entre Saint-Denis et La Possession. Pourquoi pas un ou deux nuages sur la route du littoral qui donnera une ou deux gouttes. Mais rien de plus. Les nuages seront un peu plus importants sur les hauts, plus épais. Moins sur le littoral, qui gardera l'impression de beau temps sur une bonne partie de l'après-midi, hein, avec du vent qui va souffler 40-50 km/h nord et sud, ainsi que sur le flanc est du volcan, et des températures qui vont remonter. 6 à 20 degrés ce matin, 6 au volcan, 20 au port. Cet après-midi, on ira jusqu'à 28 sur le littoral ouest. Donc on est vraiment un petit peu plus chaudement servi que ces derniers jours. C'est bien ça. On fait un point trafic tout de suite avec vous, Yves Gruyer. Yves, c'est à vous. Oui, Isabelle, rivière Saint-Étienne, trafic se dense, bien entendu, depuis l'étang Savé, mais surtout entre Saint-Louis, depuis l'échangeur de Bel-Air, jusqu'à Saint-Pierre. Circulation donc correcte dans l'autre sens. Attention aux véhicules lents et notamment les tracteurs réguliers ici sur cette quatre voies pour rejoindre le Gol à Saint-Louis. En ce qui concerne le trafic en provenance de l'Entre-deux ou de Bois-d'Olive, là aussi, ça commence à se charger en direction de l'échangeur. De l'entre-deux, notamment ici vers Pierrefonds. La 80 du tampon encore dégagée. Les mêmes ralentissements avec un peu plus de monde vers Entre-Bassin-Plat et l'entrée du pont de la rivière d'abord à Saint-Pierre si vous arrivez à la déviation nord-est de Saint-Pierre. Ça, c'est pour la partie sud. Dans l'ouest, pas de changement. C'est toujours un petit peu avant la tranchée couverte de Saint-Paul qui se situe après le plateau Caillou. Ça roule encore également entre Grandfonds et Boucan. Pour le moment, pas encore de vraie difficulté. Alors il y a un petit peu de monde quand même au niveau du Cap Champagne, là aussi effet soleil en sortie de virage du Cap Laoussé. Et puis il y aura des travaux tout à l'heure, on continue les travaux de 9h à 15h30 avec les dégagements des fosses. L'entrée ouest, attention pour quasiment toute la corniche avec des encombrements, beaucoup de zones roulantes, mais ça coince et ça freine à hauteur de l'entrée de la route du littoral. On vit une partie ouest du boulevard sud encombré. Pour le moment, Lancastel s'est toujours dégagé. Et puis, c'est au début de la ligne droite de la Jamaïque que démarrent les ralentissements pour rejoindre le front de mer de Saint-Denis, sachant que vous êtes également en difficulté sur la déviation de Sainte-Marie, forcément, à cette heure-ci. Plus de travaux de purge sur la route de Salazie, ça c'est la bonne nouvelle qui date d'hier après-midi. Rendez-vous avant 7h30, Yves. Et dans un instant, c'est l'invité de Philippe Dornier, Yvan Ouarot, secrétaire général de la CGTR. Hey, vous connaissez que depuis le 1er septembre, il y en a moins de ramassage poubelle? Comment ça fait là? Inquiète pas, chérie, il suffit de produire moins de déchets et de mieux trier. En plus, il est bon pour l'environnement et pour l'avenir de la Réunion. Hé, hey, regarde, papa, sur notre calendrier de ramassage, il y en a toutes informations. Il n'est pas compliqué. Pour plus d'infos, appelez le numéro vert au 0800 501 501. Appel gratuit depuis un poste fixe. Rendez-vous sur www.civis.re ou sur Facebook Civis Officiel. Moins de ramassage, plus de tri, plus d'avenir. Profitons-en pour avoir les bons gestes. Aujourd'hui, c'est Antoine de Cannes qui ne revient pas d'avoir des bons à parier offerts. C'est pas vrai! Oh yes! Yes! Yes! Mais oui, Antoine, pour la rentrée et pendant les jours 100% gagnants, votre bon à parier est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Du 2 au 11 septembre, pour tout quintet plus de 6 euros minimum joué sur la course du jour, PMU vous offre un bon à parier d'une valeur de 2, 4 ou 10 euros valable sur le quintet plus du lendemain. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Citoyens des Outre-mer, vous avez la parole. Le projet de loi Égalité réelle ne se fera pas sans vous. Une consultation participative est lancée. Objectif, vous permettre de prendre part à une démarche qui va engager l'ensemble des Outre-mer pour les 20 prochaines années. Qu'est-ce que l'égalité réelle? Quelles actions peuvent y contribuer? Quelles sont vos idées? Jusqu'au 9 septembre, rendez-vous sur égalité-réelle-outre-mer.fr. Parlez-en autour de vous et ensemble, construisons l'avenir des Outre-mer. Il est 7h15 dans toute la Réunion. Vous nous suivez sur internet réunion.lapremière.fr et bien sûr partout dans l'île. Grâce à votre radio, Philippe Dornier nous a rejoint pour l'invité de Grand Matin. Bonjour Philippe. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Et votre invité ce matin est Yvan Ouarot, secrétaire général de la CGT. Yvan Ouarot, bonjour. Bonjour. La terre a tremblé cette nuit à la Réunion. Est-ce qu'il faut s'attendre aussi à un séisme social pour cette rentrée? Écoutez, moi j'aimerais bien, parce que je pense que les raisons d'un séisme social existent. Le problème, c'est de mettre en musique. Oui, il faudrait un séisme social pour combattre les inégalités, et notamment, puisque c'est dans l'actualité, je dirais, prégnante, combattre cette scélérate loi Khomri, loi de travail. Alors, grève contre la réforme du collège d'abord aujourd'hui, et dans pile une semaine contre la loi travail, deux réformes déjà adoptées. Hein. Le combat, il n'est pas perdu d'avance? Écoutez, si le combat était perdu d'avance, on ne le ferait pas. Hein. Nous, on pense que, s'agissant de la loi Khomri, certes, la loi a été adoptée dans les conditions qu'on connaît. C'est une loi ultra-minoritaire. Elle est minoritaire chez les Français, elle est minoritaire chez les citoyens, votation citoyenne, elle est minoritaire chez les salariés, elle est minoritaire dans les organisations syndicales, puisque les deux organisations qui soutiennent cette loi représentent 35%. Elle est minoritaire chez les députés, puisqu'on a fait le 49-3. Vous voyez qu'elle est minoritaire, ultra-minoritaire. Et c'est ce qui explique, explique l'attitude extrêmement agressive du gouvernement dans tout le processus de ce projet de loi. Non, nous pensons qu'il faut se battre, le mot d'ordre, c'est pour l'abrogation de la loi, et nous prévoyons, nous anticipons toujours sur les mobilisations à faire dans les entreprises, comment prolonger l'unité d'action qui s'est réalisée pendant 4 mois, comment prolonger cette unité d'action dans les entreprises, l'objectif étant bien de bloquer, d'empêcher les accords, parce que tout accord consécutif à la loi Khomri ne pourra que porter préjudice aux salariés. Alors vous souhaitez bloquer les entreprises, qui vous reproche parfois de freiner l'activité, de faire baisser le rideau lorsqu'il y a une manifestation? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Là, je ne parle pas de bloquer les entreprises, je parle de bloquer la loi. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'accord, que dans toutes les entreprises, si malgré tout la loi arriverait à passer, que dans toutes les entreprises, les organisations syndicales qui combattent cette loi se retrouvent en unité d'action dans chacune des entreprises et empêchent la mise en place d'accords. Parce qu'encore une fois, tout accord consécutif à la loi Khomri portera lourdement préjudice aux salariés. Alors j'ai bien compris, mais je vous repose la question sur la démarche. Lorsqu'il y a un défilé de manifestants, on voit parfois les entreprises baisser le rideau et certains se plaignent que ce soit par obligation. Écoutez, je pense quand il y a une souffrance sociale à tel point, je pense que quand on subit un texte aussi mauvais, minoritaire, mené dans... posé par le gouvernement dans les telles conditions d'absence de dialogue, de répression syndicale, on n'en parle pas. Je pense que la coupe est pleine et on ne peut pas voir d'un côté les rideaux que les syndicalistes feraient baisser et ne pas voir la violence contenue dans ce projet et la violence portée par le gouvernement dans ce projet. Aujourd'hui, il n'y a pas une question de liberté, de maintenir son activité si on le souhaite le jour d'une manifestation? Écoutez, nous demandons, par exemple, dans la manifestation, quand nous passons sur la voie piétonne, nous demandons que lors de notre passage, les rideaux soient baissés. Si c'est ça de la violence, écoutez, je pense pas qu'on ait la réputation d'être violent à La Réunion. Et je vais parler de violence, je vais parler de liberté. Non, mais moi, je l'englobe. Je l'englobe dans La Réunion, parce que toute atteinte à la liberté peut être considérée comme une forme de violence. Et on nous reproche, justement, à La Réunion, d'être trop molle. Alors, donc, vous voyez, et je me réfère à ce qui se passe en France métropolitaine, aujourd'hui, il y a une répression tous azimuts. Il y a des dizaines et des dizaines de salariés qui sont convoqués dans les commissariats pour des faits en lien avec la bataille contre Khomri. Je pourrais vous parler du Havre, je pourrais vous parler de beaucoup d'interprétations de ce genre. Alors ces projets, réforme du collège, loi El Khomri, ils ont été entérinés par le gouvernement alors qu'ils étaient et qu'ils sont toujours, on l'entend, vivement critiqués par les syndicats. Des syndicats en perte de vitesse, non? Et c'est pas ça que ça montre finalement? Écoutez, sur la réforme du collège, je préférerais, moi, ne pas m'étendre, hein, parce que c'est plus mon collègue Corée qui est sur cette question. Patrick Corée. Alors, après, perte de vitesse des syndicats, ce qui est sûr, c'est que la loi a été adoptée. Nous voilà, si les syndicats étaient aussi influents, ça n'aurait pas été le cas, non? Ben, s'il n'y avait pas eu de division syndicale, on n'en serait pas là. Si tous les syndicats parlaient d'une même voix et refusaient ce funeste projet, on n'en serait pas là. Vous parlez de la CFDT ? Ben, je parle de la CFDT et notamment de la CFTC au niveau national. Parce qu'entre-temps, la CGC a reculé. Entre-temps, l'UNSA a émis un certain nombre de critiques, notamment sur le renversement du principe de la hiérarchie des normes. Donc c'est l'absence d'unité syndicale qui a permis à ce projet de passer. Je dirais même que ce projet a peut-être été écrit d'une plume de syndicats. Il y a des craintes d'ailleurs du côté de la CGT de perdre la première place d'organisation syndicale en France au profit justement de la CFDT. C'est Philippe Martinez lui-même qui l'a dit, hein, le leader CGTiste. Est-ce que vous partagez ces craintes ? Et est-ce que ça peut avoir des répercussions ici ? Oui, je pense que si Martinez a cette crainte, je pense qu'il a des éléments qui devraient effectivement m'amener à partager cette crainte. Ceci étant, je veux dire, la vie continue. Hein, la représentativité, on arrive à la fin d'un cycle de représentativité, décembre 2016, avec une proclamation en mars 2017, les nouvelles représentativités, dans laquelle représentativité s'intégrera les élections TPE de cette fin d'année. Oui, il y a peut-être un risque de que la CGT soit dépassé par la CFDT, ça n'est pas rien, il ne faut pas minorer éventuellement ce changement, mais je veux dire, la bataille, elle continue, quoi. Et ici, la CGT1, elle pourrait subir les conséquences de ça ? Écoutez, je pense qu'on a on a à jauger, et difficilement d'ailleurs, la scission qui s'est faite en novembre 2014. Je pense qu'elle laissera des traces. Elle laissera des traces, et aujourd'hui, elle en laisse encore ? Ah ben, novembre 2014, vous avez une scission qui en gros impacte pour un quart, à hauteur de 25% votre organisation, oui, elle laissera des traces. Et est-ce que vous en avez tiré les leçons de ça ? Tirer les leçons, on en a tiré, puisqu'on on remet en place, on travaille à la reconstruction de la Fédération Commerce, parce que c'est pas simplement le Sud, c'est la Fédération Commerce. On travaille à la reconstruction de la Fédération Commerce, et on travaille, avec Max Bannon notamment, à la reconstruction de l'Union Régionale Sud. Alors après, voilà, je sais pas si c'est ça, tirer les leçons. Nous, on avance, on continue, notamment dans le Sud, à travailler... et à défendre les salariés. Alors on va revenir sur l'action que vous menez, deux rassemblements avec l'intersyndicale, hein, deux rassemblements prévus jeudi prochain, un à Saint-Pierre et un autre à Saint-Denis. Vous pensez que les gens vont descendre dans la rue alors que la loi El Khomri est déjà promulguée ? Ça peut être une difficulté, effectivement, de se dire la loi étant adoptée, ça peut entraîner un effet de démobilisation. Mais nous demandons aux salariés d'une façon en général, nous demandons aux salariés de tout faire pour que cette loi soit abrogée. On a eu l'exemple du CPE, où la loi a été votée, n'a pas été appliquée. Le contrat de première embauche de voilà, Dominique Delisle. Contrat de première embauche. Donc on a au moins ce précédent qui laisse entendre qu'une loi même adoptée peut ne pas être appliqué. Ça, c'est un premier point. Après, on est aujourd'hui en pleine bataille juridique. On a les questions prioritaires de constitutionnalité qui sont posées par les syndicats au niveau national. On a plus d'une centaine de décrets qui sortiront. À chaque décret sera une bataille. Je pense qu'on a une veille, les organismes syndicaux au national ont une veille juridique sur tous les décrets, et l'objectif étant de bloquer l'application de cette loi. Et une loi qui prévoit par exemple, dans une entreprise, de pouvoir faire adopter un projet si une majorité de salariés de l'entreprise est d'accord, même si un syndicat n'est pas d'accord. Est-ce que, vous parlez du référendum. Que quelqu'un de sensé puisse me dire que le référendum, c'est pour l'intérêt des salariés. On a des organisations syndicales majoritaires qui s'opposent à... Vous avez un accord signé par des organisations syndicales minoritaires. Une opposition des syndicats majoritaires. Malgré ça, on dit à la majorité des organisations syndicales, tant pis, vous n'êtes pas pour, mais on fera un référendum. Alors, dans ces conditions, qu'on fasse un référendum pour le gouvernement aussi. Non, je crois qu'il y a véritablement, sur ce référendum, c'est l'exemple même de l'antidémocratie et de l'attaque ouverte vis-à-vis des salariés. On est en train de casser les organisations syndicales, de remettre en cause les organisations syndicales majoritaires. En d'autres termes, le gouvernement est en train de mettre à bas la représentativité qu'il a pourtant portée sur tous les fonds baptismaux. Il est en train de détruire la représentativité qu'il a mise en place. C'est un gouvernement bout de feu. Pour terminer, je voulais vous demander si vous êtes allé sur Internet pour contribuer au projet de loi Égalité réelle. La consultation se termine demain. Non, on a beaucoup travaillé au sein du Césaire. Hein. L'égalité réelle, moi, à partir du moment où vous avez un principe et vous y ajoutez un adjectif, c'est que ça va pas. C'est la laïcité positive et tout, voilà. C'est comme la laïcité positive. On met un adjectif, un substantif, à un grand principe, on dénature le principe, premièrement. Deuxièmement, l'égalité réelle, c'est quoi? C'est au bout de 70 ans d'absence de l'égalité, on nous dit attendez encore 20 ans, c'est-à-dire un siècle pour attendre l'égalité réelle. Et ce qu'il en est sorti de l'égalité réelle, excusez-moi, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est un grand vide sidéral. On a sorti dernièrement un projet, un titre 1, qui concerne quelques principes et méthodes, et essentiellement Mayotte. Mais rien, rien, absolument rien de concret. Ça ne peut pas donner un coup de pouce sur une autre notion, celle de l'emploi local, par exemple ? Écoutez, on n'a pas besoin de l'égalité réelle pour poser la question de l'emploi local. L'emploi local est posé depuis pas mal de temps. Il y a eu un blocage de tous les bien-pensants de la société réunionnaise en disant que c'était du racisme, alors que moi, j'étais étudiant à Montpellier, on parlait de volem viore al pays. C'est-à-dire, nous voulons vivre au pays. Ça ne choquait personne. Mais quand on parle d'emploi local, on dit, ah oui, mais c'est préférence régionale, c'est préférence nationale. Donc, on n'a pas besoin de l'égalité réelle pour aller vers poser la question de l'emploi local. Yvan Ouarau, merci d'avoir été l'invité de Réunion Première ce matin. Bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Yvan Ouarau, l'invité de Philippe Dornier, secrétaire général de la CGTR et de l'égalité réelle. Il en sera question ce midi dans C'est dans l'actu avec un face-à-face entre Wilfried Berthier et Jean-Jacques Morel. Alors, est-elle réaliste ou utopique? En tout cas, on n'y comprend rien à cette égalité réelle. Réponse entre midi et 13h dans C'est dans l'actu avec Philippe Dornier. Bah allons au paradis alors, si c'est comme ça. Allons, allons avec Jennifer. Allez, c'est son tout dernier titre, dernier single. Bon réveil, bonne journée à vous. Vous êtes sur Première dans Grand Matin. Dans ton lit, j'ai connu le vertige et le goût du péché dans un coin de paradis secret, le soleil de minuit. Dans ton lit, j'ai connu un été merveilleux et les quatre saisons. Paradis secret, c'est le nom de son album aussi, qui sortira le 28 octobre prochain. Jennifer qui revient sur le devant de la scène. C'est chaud, sa petite chanson. Hein, paradis secret, la coquine va... Elle change, elle grandit. En toute sécurité, avec Total et Inforoom. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Vous êtes à Montvert-les-Bas, Yves. Oui, avec, attention, ce chantier qui se déroule ici, on va en parler dans un instant parce qu'il y a un accident. L'actualité, c'est cet accident, une nouvelle fois, au niveau de Mont-Caprice, véhicule en travers, ça se passe sur la voie de gauche et c'est à hauteur de Mont-Caprice, bouchon, bien entendu, vous qui descendez, du tampon, circulation voilà, qui va pas être facile dans les minutes à venir, ça vient juste de se produire, nouvelle fois, donc dans cette descente où le trafic est très chargé, où les vitesses sont maîtrisées à peu près, on va dire, mais pas les distances de sécurité. Voilà pourquoi on a souvent ces carambolages. Voilà, il y a des points noirs. Ça, mon caprice en fait partie. Et notamment le matin de bonne heure. Ici, ce qui pose problème du côté de Montvert-les-Bas, au-dessus de la ravine des Cafres, eh bien, c'est ce chantier de réalisation d'un giratoire à l'intersection avec le chemin vers Millecoco et le chemin Bassin Plat. La circulation se fait déjà avec un chantier en place. On est en pleine heure de pointe. Donc forcément, des difficultés de circulation en montant et en descendant. Vous circuler là, et puis ceux qui partent vers Bassin-Plat, donc en passant par ce chemin qui longe la nationale. C'est encombré, en tout cas encombré à partir de Bassin-Plat justement avant l'ouvrage, et pour passer le pont de la rivière d'abord actuellement en direction d'un boulevard banc qui est en train de se remplir, les bretelles également des échangeurs de Saint-Pierre venant de Saint-Louis ou venant donc du tampon, donc très encombré. Je rappelle donc l'accident en ce moment, Mont Caprice, voie de gauche neutralisée, bouchon au-dessus du radar pour le moment. Inforoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. 7h31 minutes sur la première. C'est l'heure du journal. Cécile Thomas, bonjour. Bonjour à tous. Des trous dans les emplois du temps des élèves en collège et lycée aujourd'hui. Appel à la grève dans les établissements. Une intersyndicale se mobilise contre la réforme du collège appliquée depuis la rentrée. Explication dans ce journal. Autre mobilisation annoncée pour le 15 septembre. Mobilisation contre la loi travail. Deux rassemblements sont prévus à Saint-Denis et à Saint-Pierre. La vague rose de 2016 se prépare à l'étang Salé. Les 5 et 6 novembre aura lieu Run Odyssey. La course contre le cancer du sein espère récolter encore plus de fonds cette année. Et puis de la culture hors sol avec graines semées à la fin de ce journal, un nouvel album et des concerts en perspective. Rencontre à la fin de ce journal. Appel à la grève aujourd'hui dans l'éducation nationale. Une large intersyndicale, SNES, FSU, FO, CGT et Sud, appelle à cesser le travail dans les collèges aujourd'hui et les lycées. Un mouvement contre la réforme appliquée depuis la rentrée. Mais certaines dispositions ne passent pas, Daniel Dombreville. La plus grosse critique des syndicats d'enseignants, la perte sèche d'heures de discipline classique au profit des EPI, les fameux enseignements pratiques interdisciplinaires. Ils ne doivent pas remplacer mais venir en supplément, précise le représentant du SNES. Dans le collimateur des syndicats, il y a aussi la marge d'autonomie trop importante laissée aux établissements. Chaque collège choisit ses EPI, il fixe aussi la répartition des programmes sur 3 ans. Pour les syndicats, cela crée une disparité des enseignements d'un établissement à l'autre et renforce les inégalités sociales entre les enfants. Enfin, les syndicats dénoncent une réforme précipitée, sans financement. C'est la première fois que tous les programmes, de la 6e à la 3e, changent en même temps. Conséquence, des manuels en nombre insuffisant et surtout bourrés d'erreurs et de fautes. Alors aujourd'hui, l'intersyndicale espère évidemment une forte mobilisation contre la réforme. Et aux nombreux enseignants qui font remarquer que le texte est passé, qu'ils sont obligés de l'appliquer, les syndicats proposent une résistance pédagogique. Le SNES a même édité un livret pour contourner la réforme des collèges et ne pas l'appliquer. Daniel Dombreville, une manifestation est prévue à 10h devant le rectorat ce matin. Autre texte adopté mais qui mobilise toujours les syndicats, la loi travail, les syndicats CGT, FO, FSU, Solidaires et l'UNEF seront à nouveau dans la rue contre la loi El Khomri le 15 septembre. Dans une semaine, ils demandent d'une seule voix l'abrogation du texte pour la 13e fois. En écho à la mobilisation nationale, les syndicats locaux relaient l'appel à manifester. Deux rassemblements sont prévus à Saint-Denis et à Saint-Pierre pour Éric Marguerite, secrétaire général de Force Ouvrière, pas question de baisser les bras. On ne lâche rien parce qu'il n'est pas possible d'accepter cette loi du moins-disant social, cette loi de dumping social. On ne peut pas laisser à l'arbitraire patronal tout ce pouvoir qui va découler de cette voie. Donc nous, on ne lâche rien au niveau de l'intersyndicale, au niveau de Force Ouvrière, et on fera certainement des recours juridiques sur chaque disposition de cette loi. Et puis, on le dit aussi, la contestation, c'est aussi dans la rue. C'est une loi qui a été rejetée, c'est une mauvaise loi. Ben, une loi qui a été adoptée, peut-être abrogée. Aujourd'hui, c'est ce qu'on réclame, l'abrogation de cette loi. Éric Marguerite, représentant de FO, interrogé par Daniel Dombreville. Vous l'avez entendu, les syndicats dont FO comptent attaquer le texte au niveau juridique et constitutionnel. La femme qui avait été percutée par une voiture hier sur la 4 voies à Saint-André n'a pas survécu à ses blessures. Elle est décédée à l'hôpital. Cette femme de 48 ans avait tenté de traverser la voie rapide de nuit. 30 personnes sont mortes sur nos routes depuis le début de l'année. C'est classique mais efficace visiblement. Gare aux faux agents. Après ceux d'EDF, voici les faux agents de l'ARS. Ils entrent chez vous pour démoustiquer et en profitent pour repartir avec vos clés, votre argent ou des objets. Petit rappel, voilà comment reconnaître un faux agent d'un vrai. Hélène Thébault est responsable du service lutte antivectorielle de l'ARS. Nos agents sont identifiables, ils ont une tenue spécifique où est signalée la présence de l'ARS et du GIPLAB, donc la Marianne. Ils interviennent avec une carte professionnelle qu'on peut leur demander, sur laquelle il est écrit leur nom, leur fonction, leur service.

Merci Cécile. Ben oui. Merci Cécile. Suspense. Mais après Graine Semée, le silence c'est encore du Graine Semée, comme Mozart. On était bercé par Graine Semée. Bonne quelle journée, poésie, Cécile. Oh, donc. Magnifique. Cécile Rimbaud. Oh, yeah, yeah. 7h40 sur la première. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Ah, il y a de la poésie, le temps, les gaillards, allons bouger, la plage, pique-nique. Non ? Tout ça ? Non, mais non, c'est pas le week-end, Isa. Oh, c'est ben... jeudi. C'est un temps de week-end, c'est pourtant. C'est un peu difficile, oui, c'est vrai. Bah oui, mais non. Il fait beau sur La Réunion, ça c'est la bonne nouvelle du jour. Quelques nuages vont venir parsemer le ciel, certainement cet après-midi, surtout sur le nord-ouest, entre Saint-Denis et La Possession. Quelques petites touches nuageuses sur le chef-lieu et La Possession possible, ainsi que la route en corniche en milieu de journée, avec quelques gouttes, comme ça. Mais partout ailleurs, l'impression de beau temps va dominer, du vent, 40-50 km/h sur le nord et le sud, température 12 ce matin, 20 degrés au port, on en aura 28 cet après-midi. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. On va prendre des nouvelles du trafic et notamment de cet accident du côté de Montcaprice, Yves. Oui, bah après, il n'y a pas d'évolution depuis tout à l'heure, si ce n'est le bouchon qui prend de l'ampleur pour descendre du tampon avec pas mal d'automobilistes qui descendent depuis le rond-point des Azalées par l'ancienne nationale. Pour rejoindre Montcaprice par la RN3B, donc voilà, qui longe la 4 voies. Circulation très encombrée. Donc il y a au moins un véhicule, mais parce qu'il y en a au moins deux qui sont impliqués dans cette collision à hauteur de Montcaprice en descendant vers Saint-Pierre. Nouvel accident là-bas. Au niveau des arrivées sur Saint-Pierre, eh bien l'entrée est toujours également plutôt chargée, vers Bassin-Plat, des difficultés également avant Grand-Temps si vous arrivez de Petite-Île ou de Saint-Joseph, des difficultés de circulation également sur la fin de la déviation de Grand-Bois avant d'arriver au rond-point de la Caprine, justement où je me trouve, où il y a ce chantier important à la fois de déplacement de réseau, notamment pour EDF. Et puis il va falloir remonter la chaussée de près d'un mètre pour réaliser ce giratoire à l'intersection avec le chemin Bassin-Plat. Le chantier a déjà démarré, il y a de l'alternat en pleine heure de pointe, donc c'est difficile pour passer ce tronçon pendant au moins encore une heure jusqu'à 8h30 tous les matins. Voilà, circulation sans changement quasiment pour l'ouest, ça coince un peu plus en bas, mais sur Grand Fonds Boucan à cette heure-ci. Les difficultés de circulation que vous rencontrez sur le littoral, un petit peu moins chargé donc sur la partie sud de la corniche, mais ça reste difficile pour traverser Saint-Denis. Et puis on commence à avoir un peu de monde sur le Lancastel en direction du Butor, comme tous les matins. Grand Matin avec Isabelle Waraud et Mickaël Laurette. Et hier, c'est Tim Cook, le patron de la marque à la pomme, qui a dévoilé le nouvel iPhone. Ah oui, le fameux. Le 7. Ah, on arrive déjà au 7. Et vous avez remarqué, c'est de plus en plus cher. Ah bah donc, ça, je veux dire. Il faudra débourser en entrée de gamme près de 800 euros. Ah ouais ? Pour cet outil. Oh là là là là. Date de sortie à La Réunion. Pour l'instant. Je sais pas. On ne sait pas. D'accord. Date de sortie fixée au 16 septembre, en tout cas en métropole. Ouais. Les précommandes commenceront le 9. Bon. Donc, dans pas longtemps, le 9, c'est demain. C'est demain, en fait. Eh bien, d'Apple, on va en parler parce que votre smartphone, justement, il a une touche ID. Vous savez, la petite touche, là. Touche ID. Le point home. Oui. Cette fameuse touche ID. ID, Apple ? Ouais, je touche ID. Eh bien, en cas de vol, elle va vous servir, cette petite touche. Connect première, vous en dira plus avec Pascal Réseau. On aura le zapping aussi, le zapping qui nous fait un petit tour de la radio, comme tous les jours. Exactement. Aujourd'hui, particulièrement, les journalistes, ils gagnent. Il faut. Et puis, avant 8h, on vous fera gagner aussi vos places de cinéma pour aller voir Éternité avec Audrey Tautou. Exactement. Qui va repartir avec ses cadeaux, avec également l'inscription, la participation pour le tirage au sort de demain. Qui a envoyé sa photo sur le Facebook de Grand Matin, on le saura avant 8h, c'est promis. Qui on a encore le temps vite fait de poster si on veut là. Bah oui, on peut y aller. Qui partira en croisière ? C'est ça le truc. C'est à vous de nous le dire, c'est à vous de décider. Oh là là ! Loïc Painaï, laisse le peuple causer juste après. La question pas si utile, mais quand même. Pourquoi ? D'où vient la tarte tatin ? Oh là là là là là là. Oh yeah, Sega Music now. Oh yeah, Rasta music now. Oh yeah, Sega music now. Oh yeah, Il dit laisse l'open poser. Mais ça tu entends pas. J'en n'a de tracala dans la politique. Il dit laisse l'open causer. Verser dans l'amour déjà. A force mon grand papa, vibration positive, vie du lait. Le père causé, mais ça t'y entends pas. Zot n'a donne trac à l'argent, la politique, moi m'y laisse. Mon cœur causé, bercé dans la moja. A force mon grand papa, vibration positive, yeah. Ça fait trop longtemps, tout là pour crier. L'argent il fait couler le sang, t'es de mon familier. L'autre côté, le gouvernement, il en bouche l'osier. Fait croire à nous, sans enfants, que nous les pressions. Mais non, non, non, faut pas croire ça, mon frère, why non, non, non. Connais ça la blague, mon frère, why non, non, non. Babylone, mais ça l'enfer, why non, non, non. Faut nous bloquer à l'Uaster, dis-les, l'open causé. Mais ça, tu n'entends pas. Ça t'a donné trac à l'argent, la politique, mais dis-les, bloqué à causé. Mais c'est dans la moitié. La force, mon grand papa, vibration positive, dis dis-les, l'open causé. Mais ça, tu n'entends pas. Zot n'a donné trac à l'argent, la politique, moi m'y laisse. Mon cœur causé, bien c'est dans la moja. La force bon grand papa, vibration positive. Bon Dieu la donne à nous la vie, faut pas oublier ça. Faut que nous vivons à l'île, faut pas nous perdre la foi. La réunion où ça les olive, dans les hauts, dans les bas. Pollution pour fatigue à l'île. Faut nous faire attention ça. Ah non, mon frère, ouvre les yeux sur réalité. Ah non, mon frère, prends conscience la vérité. Ah non, mon frère, vive de sous la terre, bon Dieu, ensemble, mon frère. Il l'avait chanté pour la première fois ici, dans les studios de Réunion Première. Au thé, oui, thé. Avec nous-mêmes. Avec en nous plus. En plus. Laisse le pop causer. Loïc Painaï, qu'on salue. Salut Loïc, qui fait du bon boulot et qu'on aime bien. D'où vient la tarte tatin? C'est la question pas si utile, mais quand même. Bah oui, au thé. Déjà posé la question, Isa? Mais jamais au thé. Ben oui, c'est pour ça qu'on la pose. Alors, cette fameuse tarte tatin, c'est quoi une tarte tatin d'abord? Eh bien, elle est souvent accompagnée d'une boule de glace à la vanille ou de exact. Crème fouettée. Ou la crème anglaise. Une petite tarte aux pommes, en fait. Hein. Ouais. Emblème de la Normandie. Bon, on en mange pas mal à La Réunion. Hein. Elle est servie sur beaucoup de cartes dans les restaurants. Alors, la légende raconte qu'à la fin du 19e siècle, les sœurs Stéphanie et Caroline Tatin tenaient un hôtel-restaurant très fréquenté face à la gare de La Motte-Beuvron, dans Loir-et-Cher, centre de la France, réputés pour leur tarte aux pommes. Les demoiselles Tatin auraient malencontreusement renversé leur dessert dans la précipitation. Oh là là ! Et qu'est-ce qui s'est passé derrière ? Elles l'ont ramassé ! Mon cher Fred ! Bah oui ! Mais alors Jamy ! Pour ne pas gaspiller la nourriture, elles auraient décidé de servir quand même la tarte tout juste sortie du four. Bah oui ! Mais quoi ? Bah oui, à l'envers ! Alors à l'envers, ouais. Avec la pâte, je n'y vois pas. Par-dessus les pommes caramélisées. Et voilà d'où est venue la tarte Tatin, enfin c'est la légende, hein. On n'est pas sûr. Elle a été rendue célèbre par le gastronome Kurnonski. Ah voilà, oui, si oui, je le connais. Son nom. Ouais, bah oui, c'est notre ami. Oui. Bon, ce dessert fait encore débat quant à son histoire. À vous d'y croire ou pas, c'est une belle histoire, moi, je trouve. Hein, elle est mignonne. La question pas si utile, mais quand même, revient demain. Bah oui. À tout de suite. Quand même. 4h, 5h, Sega Maloya avec Sonia. Montez le volume, réveillez-vous dans la joie et la bonne humeur, comme chaque matin. Le meilleur de la musique de notre île pour vous donner l'énergie, oui, l'énergie dont vous avez besoin. Je vous souhaite plein de belles choses. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sega Maloya avec Sonia, toute la semaine, de 4h à 5h sur Réunion Première. Hé, hey, vous connaissez que depuis le 1er septembre, il y en a moins de ramassage poubelle? Mais comment ça fait là? Inquiète pas chérie, il suffit de produire moins de déchets et de mieux trier. En plus, les bons pour l'environnement et pour l'avenir de la Réunion. Hé, hey, regarde papa, sur notre calendrier de ramassage, on en a toutes les informations. Les pas compliqués. Pour plus d'infos, appelez le numéro vert au 0800 501 501. Appel gratuit depuis un poste fixe. Rendez-vous sur www.civis.re ou sur Facebook Civis Officiel. Moins de ramassage, plus de tri, plus d'avenir. Profitons-en pour avoir les bons. Première. Votre capteur d'empreinte digitale peut vous protéger en cas de vol. Waouh. Sur votre smartphone. Waouh. Écoutez, c'est Pascal Rizzo qui vous lit. Connect première. Bonjour, Apple vient de déposer un brevet qui, à première vue, semble intéressant si la technique est déployée. Elle permettrait, en cas de vol d'un iPhone ou d'un iPad, de recueillir tout un tas d'infos sur le voleur. Des photos prises discrètement par la caméra à selfie, du son et surtout ses empreintes digitales lorsqu'il tente de déverrouiller l'iPhone grâce au capteur Touch ID. Le tout serait renvoyé vers l'ordinateur de la personne qui s'est fait voler son smartphone afin qu'elle puisse les communiquer à la police. Un dispositif qui viendrait donc renforcer celui existant déjà avec la fonction localiser mon iPhone qui permet de le géolocaliser mais aussi de le bloquer à distance ou d'effacer toutes ses données perso en cas de vol. Alors, dissuasif et sûrement efficace, mais il faudrait qu'Apple revoie en profondeur son capteur d'empreintes. Et bien ça tombe bien puisque les rumeurs veulent que les prochains iPhone, alors pas les tout nouveaux, ceux de la série 7 présentés cette nuit pour nous, mais les suivants, ceux de la série 8, perdent leur bouton d'accueil, ce qui permettrait donc de faire gagner un bon centimètre à l'écran vers le bas de l'appareil. La fonction Touch ID serait alors présente sur l'ensemble de l'écran. Mais problème! Pour faire accepter au grand public ce capteur d'empreintes digitales sur le modèle 6 de l'iPhone, il avait fallu que la firme à la pomme garantisse aux utilisateurs qu'il ne serait pas possible de collecter leur empreinte, que celle-ci serait conservée uniquement sur l'appareil, tout en étant cryptée, c'est-à-dire inutilisable en dehors du processus du déverrouillage de ce seul appareil. Et c'est manifestement ce qui a été mis en place. Mais avec cette nouvelle technique anti-vol, toute la partie protection des données personnelles vole en éclats. Et les empreintes de tous les possesseurs d'iPhone deviendraient transmissibles, décryptables et donc potentiellement piratables. Bah oui, forcément, l'idée est donc bonne, mais sa réalisation risque d'être plus délicate à un moment où Apple tente toujours de parfaire son image de protecteur de la vie privée. Affaire à suivre donc, ce n'est pour le moment qu'un brevet déposé. Belle journée. On est d'accord, j'ai dit peut vous protéger. Tu veux mon empreinte, c'est en plus fait. Pourra vous protéger, en fait. Oui, mais tu veux mon empreinte. C'est ça. Tout le monde a ton empreinte. Mais de quand, tous les possesseurs. Quand tu regardes bien, Isa, c'est possible. Hein. Vous l'avez déjà, vous, à la maison, oui, mis votre doigt. Personne ne connaît. Tandis que là. C'est vrai. Tu vois. Encore des infos en plus. Sinon, surveille. Ouais, sinon, nous, on n'a pas vos empreintes, mais on a vos photos. Ouais, mais a... seulement si vous voulez nous les envoyer. Et hein, on a vos numéros aussi. Bah oui, si, si vous nous voulez les donnez. Les aussi. Oui, bien sûr. Martine est avec nous. Elle est en direction du travail. Salut Martine. Bonjour Martine. Bonjour. Comment ça va Martine? Eh ben ça va. Hein, bah, pour ça... un jeudi matin, il bon. Fait beau, donc ça va. Bah oui, tout va bien à ce niveau-là. Bah, oui. Elle travaille dans les assurances. Vous faites des contrats, Martine? Pas tout à fait. Non. Moi, je suis au sinistre. Derrière, je gère les sinistres. Voilà, au sinistre. Les sinistres, bah oui, quand tu as gagné l'accident par exemple. C'est votre copine Martine? Mais non. Bah comment vous savez qu'elle est auto-sinistre? Bah parce que il y a toujours le plus gros service, c'est le service sinistre. Ah, le service sinistre, ah, le oui. fameux service. Ok. Et oui, puis j'ai eu un accident il n'y a pas longtemps, j'ai eu affaire au service sinistre. C'est ça, c'est ça. Bon, ça ne va pas être marrant tous les jours d'être au service sinistre. Non, mais il y a du bon aussi. Bah oui. Ah bah ça va alors. Bon, genre ça... quoi? Par exemple? Ah, genre des clients qui sont contents. Oh, genre, ça c'est bien. Ça, c'est chouette, ça. Bah ouais. Oui. Ah oui. Oui, parce qu'on n'est pas toujours contents, mais... Non, mais ils sont dans la panade après un sinistre, et puis quand ça va vite, et bah, c'est chouette. C'est bien. Et puis Martine leur redonne le sourire. C'est ça qui est important. Tu m'étonnes. Bah, on essaye, en tout cas. Bon. En même temps, vous prenez un bon petit déjeuner, donc c'est normal que vous ayez la patate. Ça peut servir. Hein. Ah bah, il y a besoin, quand même. Hein. Alors... Le petit déjeuner qui va vous servir ce matin. Bah oui. Rappelez-nous un petit coup ce qu'il y avait dedans. Il y avait un café, il y avait des tartines avec de la confiture de tomates. Maison. Eh bien, ça vous fait gagner. Il y avait un yaourt, voilà. Ah, bah, c'est un déjeuner complet, ça vous fait gagner deux invitations pour aller voir Éternité avec Audrey Tautou. Bravo, ah bah, c'est des super, invitations. Ah, bah, c'est clair. Des invitations valables dans toutes les salles du réseau Moret Film. Bisous. Salut Martine. Merci. Je zappe, tu zappes, ils zappent, nous zappons. C'est le zapping. C'est le zapping, les journalistes, métier très difficile, c'est pas Bruce Réjean qui dira le contraire. Et puis attention, le service des nouveaux mots continue de s'agrandir. Miaou. Ça va. La paix, la paix, la paix. Mais tout d'abord, les explications de Michel Berguin sur cette tarification. Comment? Pardon? Tarification. Voilà. On va l'entendre dans un tout petit instant. Non, pas encore. Une petite difficulté, l'hançon a vu. Voilà, on va l'entendre quand même, puisque ouais. Ça y est, on l'a. Allez, ça... Allez, on l'entend. Un pied de bois, il boit pour mal au ventre. Il faut éviter ça, c'est pas possible. Balance de Saint-Pierre, oui, alors les explications, gagnant première en l'air, voilà. Big up. Tout le temps, mais on entend big up, big up, big up. Don't have to be beautiful. Et allô, ici le bureau des nouveaux mots, Marie-Hélène à votre service. Oui, bonjour madame, j'ai entendu à la radio qu'il fallait venir à jeûne pour le dépistage du diabète. Mais tu parles de quoi là? Attends, venir à jeûne. À 11h, il est conseillé de venir à jeûne pour un meilleur dépistage. Allô ? Écoute, maman est près de toi. Dites aux gens qui viennent vous voir que vous n'êtes pas d'accord avec le nom du chien, le nom donné au chien. Bien sûr. Bien sûr. J'ai une cliente dont le chat s'appelle Massalé. Ça va. Ça m'a fait rire. Miaou. Ben. Ah, c'est chaud, hein, Réunion Première. Attention. Bon, Jackie Revel, qui est là justement, qui est l'instigateur du zapping, comme chaque matin. Voilà, il vous voudra rappeler, bonjour, évidemment, bonjour, que toutes Jackie. Ces bêtises, c'est fait exprès pour le zapping. Bah oui, bah on se marre, sinon si on se marre plus, ça arrête, hein, on peut fermer la radio. En fait, c'est pas fait exprès, mais il y en a un qui les ramasse. Salut, bonjour, Jackie. Bonjour, qu'est-ce qu'on va faire dans la colle, Jacques? Ah, on va parler de gingembre. Oh, le gingembre. Le gingembre, c'est bon, le gingembre. Ah, hein. Le gingembre. Voilà, on va en parler avec Sabine Dijou. C'est vrai, on n'aime pas gingembre. Non. C'est bon, le gingembre. Bread, tout ça, m'aime pas. C'est vrai, ça donne la pêche. Alors, on va essayer d'avoir des recettes de cuisine, justement, léger en gingembre. Ça peut se mettre dans les breads, dans la viande, dans le poisson, confit, sucré ou salé. Le gingembre à toutes les sauces aujourd'hui, avec la chef et auteur Sabine Dijou, de 8h à 9h. Et ensuite, Radio Ménage, voilà. Rakoto qui partage ses cacahuètes avec Mamadou, l'astuce, comment aiguiser un couteau à la maison. Et puis, légende urbaine et sa question de cadavre. Ah, tout ça dans la colle Jacques. Bonjour. To have you lurking, you make a like, now you don't like it. You know I dealt with you the nicest. Nobody touched me in a righteous. Nobody text me in a crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had. Never seen something that you never been. But I wake up and nothing's wrong. Just get ready for work, work, work, work, work, work. You see me heavy work, work, work, work, work, work. You see me do me dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt. There's something about that work, work, work, work, work, work. Da da da da da. When you walk out, da da da da da. Before the table turn, turn, turn, turn, turn, turn. Beg you something, please. Ouais, c'est l'heure d'aller travailler, hein. Work, work, work pour les retardateurs. Ben nous, on va vous dire à demain. Bisous. Et puis, bonne journée, bon courage à tous. À demain dès 5h. Entre de bonnes mains, vous restez Jackie Revel, le suivi derrière. Salut. Prenez la route en toute sécurité avec Total et InfoRoute. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Et puis, il y a Yves aussi. Vous êtes à Terre Rouge, Yves. Oui, avec encore quelques ralentissements. C'est un peu encombré sur la déviation nord-est entre la fin de la 4 voies de Grand-Bois et puis après vers l'échangeur de Terre Rouge. Après, il y a des zones roulantes et puis ça recoince avant d'arriver sur Bassin Plat. Attention, la 4 voies du tampon toujours concernée par cet accident donc en dessous de Mont-Caprice avec deux véhicules impliqués dans cette collision. Dégâts matériels essentiellement, le canon de remorquage déjà sur place et une circulation qui se fait avec des difficultés juste après la tour des Azalées et pour redescendre sur Saint-Pierre. Patience une nouvelle fois ce matin sur cette région. région sud. Alors je viens de quitter le chantier de bassin plat avec l'heure de pointe qui se terminait, donc il y avait un peu moins d'encombrement, mais il y a toujours cette alternance de façon qui est en place toute la journée pour un chantier qui s'étalera donc au-delà du mois de septembre. En ce qui concerne le trafic dans l'ouest, ça roule mieux sur Grand Fonds Boucan, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. Il y aura des travaux tout à l'heure à partir de 9h. La circulation que je fais avec encore des ralentissements à hauteur de Plateau Caillou et Ravinajac. On est repassé après la Grande Chaloupe pour le début des ralentissements sur la route du littoral. C'est encombré sur le boulevard sud, c'est encombré sur l'entrée est, mais pour le moment, le Lancastel était encore plutôt roulant. Inforoute vous a été proposé par Total. Énergisons la vie. Chaque jour, Total. Vous écoutez Réunion Première, il est 8h. Le journal de la rédaction est présenté par Stéphane Inilorac. Bonjour Stéphane. Bonjour Jackie, bonjour à tous. Comment se porte le tourisme à La Réunion? Difficile à dire avec des chiffres contradictoires. Baisse du nombre de visiteurs d'un côté, hausse des nuitées d'hôtel de l'autre. Décryptage dès le début de ce journal. Une réforme précipitée et sans financement. Plusieurs syndicats se donnent rendez-vous ce matin devant le rectorat pour protester contre la réforme du collège. À Saint-Denis, 150 jeunes engagés en service civique pour lutter contre l'échec scolaire. Portrait de l'un d'entre eux à suivre. Déjà plus de 5000 personnes inscrites pour la prochaine édition de Run Odyssea au mois de novembre. Vous avez jusqu'à début octobre pour les rejoindre. Inscriptions qui se font presque exclusivement en ligne. Les chiffres du tourisme se suivent, mais ne se ressemblent pas. Toujours après l'annonce d'une baisse de 4% du nombre de touristes sur notre île au premier semestre 2016, ceux de la fréquentation des hôtels viennent de tomber. Et ils sont plutôt bons, Gaël Le Dantec. Avec 257 900 nuits d'hôtels vendues au deuxième trimestre 2016, l'INSEE explique que la fréquentation hôtelière progresse de 11%.